Des radios. Veillez et priez. Une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, hani via via nyu mu hinduke. Oh, tubuni zambi zenu mu badilike. Weneye ebibi byo osonyiwe. Oh, sinamehegi chajaria. Hear the word, all the people hear his voice, all the people fear the Lord. Repent from your sins and be changed. Tubuni zambi zenu mubadilike. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. From your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, hani via via nyu mu hinduke. Oh, tubuni zambi zenu mu badilike. Weneye ebibi byo osonyiwe. Oh, sinamehegi chajaria. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, hani via via nyu mu hinduke. Oh, tubuni zambi zenu mubadilike. Seigneur, auprès du Seigneur, avec lui sur la La lumière vaincra les ombres. Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Veuillez vous asseoir, veuillez nous asseoir. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bonsoir encore. Viens t'asseoir ici. Non, on va travailler. Vous allez bien? On va prier, n'est-ce pas? Donc, si vous avez pris votre Bible, on prie. Comme ça, on va continuer à savoir. Parce qu'il y a une Bible ici, si vous n'avez pas de Bible. Père, nous te sommes évidemment reconnaissants de nous avoir réunis ici encore aujourd'hui. Merci parce que tout ce que tu fais pour nous est bon. Très souvent, les situations nous trimballent et nous ne comprenons pas tes voix derrière. Mais dans toutes les choses que nous considérons comme mauvaises, tu es également derrière. Dieu du Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toute cette semaine, pour toutes les choses bonnes et mauvaises qui nous sont arrivées. Merci Père de gloire pour tes plans merveilleux, pour tes faveurs et tes grâces dans nos vies. Merci Seigneur, parce que même derrière les difficultés, tu parles. Dans les situations qui semblent incompréhensibles pour nous, tu parles. Merci parce que, oh Dieu de gloire, lorsque tout semble bloqué, tu es sur le point de parler. Et tu parles même avec les difficultés que l'ennemi met dans nos vies, car c'est toi qui lui assigne juste la limite à travailler dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants, Père, de nous avoir rassemblés encore ce soir pour écouter de ton nom et ta parole. Garde-nous et dirige-nous par ton esprit maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie maintenant, Père, que tout ce qui se fera ici soit pour ta gloire et pour ta gloire seule, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La semaine dernière, nous avons commencé à travailler sur un thème, et je crois que dans la troisième partie de ce thème, nous allons toucher les miracles proprement dit. Nous avons commencé la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, nous avons commencé par lire le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13 et suivant. Et le Seigneur nous a montré effectivement là-bas qu'il y a deux voies qui sont tracées devant nous. Qu'on admet ou non, il y a deux voies. Qu'on le croit ou non, il y a deux voies. Il a dit qu'il y a la voie large et spacieuse. Il y a la voie large et spacieuse. Et puis il y a la voie large et spacieuse. Jésus dit de sa bouche dans Matthieu chapitre 7 que nous avons lu que c'est la voie qui mène à la perdition. Et il a prophétisé que plusieurs entrent par là. Puis il a dit, étroite et resserrée, la voie qui mène à la vie éternelle, peu de gens le trouvent. Donc, ça veut dire, Jésus a prophétisé que peu de gens seulement iront avec lui, entreront. Et nous avons commencé à voir, lorsque nous avons continué jusqu'au verset 21 et 22, nous avons vu comment il a dit là-bas, il a dit que, gardez-vous des faux prophètes, il vient à vous en vêtements des brebis, au-dedans c'est les loups ravisseurs. Puis il dit, est-ce qu'on cueille, par exemple, la goyave sur le manguier, ou bien est-ce qu'on cueille le pamplemousse sur l'oranger? Il indique que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et tout au long de la semaine, nous sommes entrés dans la Bible. Nous avons lu le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 3 à 11, certaines caractéristiques. En voyant comment nous allons voir, et aujourd'hui nous allons voir ça proprement, nous avons vu dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 4, où le Seigneur Jésus a dit qu'il faut qu'on discerne les esprits, car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Il a dit qu'on reconnaisse à ceci l'esprit qui est de Jésus, l'esprit qui confesse Jésus qui venait en chair, était de Dieu. Nous avons compris effectivement qu'il y a deux voies, deux styles d'esprit dans le monde, l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. C'est là où nous sommes sortis. L'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Et il nous a dit effectivement que l'esprit de l'erreur va toujours conduire les gens dans l'erreur, enseigner avec les erreurs. C'est pour cela qu'on peut voir dans plusieurs prédications dans le monde entier avec des erreurs. Parce que c'est l'esprit de l'erreur qui a donné des faits là. Nous avons vu un exemple dans le livre de Matthieu chapitre 22. Je crois que vous ferez bien noter cela. En lisant le livre de Matthieu chapitre 22, si le Saint-Esprit permet, on va y revenir aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 15 au verset 45, on fait état là-bas de la rencontre entre les différents groupes et groupuscules que le Seigneur Jésus a confronté lors de sa première venue. Donc je dis Matthieu chapitre 22, le verset 15 au verset 45, ça se trouve là-bas. On a vu la semaine dernière comment les pharisiens, les sadducéens et autres là-bas sont venus le confronter pour lui poser des questions, tout en disant que ça sortait de la loi de Moïse. Et c'est l'un d'entre eux réfutait les enseignements de Moïse. Parce que les pharisiens disaient qu'ils croient à la loi de Moïse, mais Jésus était devant lui. Et Jésus leur a dit que si vous croyez Moïse, vous devez croire aussi à moi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Alors on se pose vraiment la question, comment se fait-il que les gens vont dans la Bible, sortent de la Bible et enseignent autre chose? Pourtant la Bible est dit une seule fois pour toutes. Nous avons également compris que c'est le refus de lire la parole, d'assimiler et de rester seulement dans la parole qui fait en sorte que les gens vont à la dérive. Pourquoi? Parce qu'on on délocalise notre regard sur le Seigneur, sur ce qu'il a dit, on focalise maintenant sur ce que les êtres humains sont en train de dire. Or, la parole de Dieu est dite et elle est complète déjà. On ne doit rien y ajouter, on ne doit rien en retranché. Donc Dieu nous a mis en garde que si quelqu'un vient aller et aller au-delà de ce qui est écrit, enseignant ce qui n'est pas écrit, c'est que ça ne vient pas de lui. Amen. Donc le Seigneur Jésus nous a dit dans 1 Jean chapitre 4, versets 1 et 2, il dit que plusieurs faux prophètes sont dans le monde. Il dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Et cette parole-là, la dernière fois, le Saint-Esprit nous a dit que c'était un ordre particulier à l'Église de pouvoir entrer en jugement par rapport à la parole dans le discernement. Et c'est ça, justement, que l'Église a refusé, ou les gens sont en train de refuser. Et pourquoi c'est refusé? On a de voir comment les gens enseignent en disant qu'on ne doit pas juger. Et là, nous sommes sortis en disant que lorsque vous vous asseyez, vous jugez avant de vous asseoir. Quand vous entrez dans le taxi, vous jugez avant d'entrer. Quand vous voulez ouvrir votre porte, vous jugez avant d'ouvrir. C'est pas ça, hein? C'est exactement cela. Donc, dans toutes nos actions, quand nous voulons poser un acte en tant qu'humain, nous jugeons de poser l'acte sans que vous ne sachiez même, vous le faites de façon inconsciente ou consciente. Lorsque vous arrivez quelque part, vous dites, je vais aller dans ma maison en passant par ici. Vous dites, non, ici la route est longue, il faut qu'elle passe par ici parce que c'est plus court. Vous venez de poser un jugement. Et quand vous posez le jugement, vous prenez ce qui est positif. C'est donc pour cela que le Saint-Esprit nous invite donc dans le discernement. Le discernement au travers des Écritures afin de prendre position pour la vérité. Et donc là, nous avons étudié cet enseignement-là, là-bas. Faites donc, prenons position pour la vérité ou bien comprenons les avertissements afin d'éviter l'apostasie. N'est-ce pas, bien aimé? Donc, nous allons comprendre, nous allons continuer à développer aujourd'hui. Nous allons voir là où le Seigneur va nous amener. Nous allons continuer à développer aujourd'hui. Et je crois que la troisième partie, nous allons toucher le cas des miracles particulièrement. Parce que l'une des choses que les gens font, c'est que on croit que si quelqu'un accomplit un miracle, directement, il vient de Dieu. C'est ici la grande tromperie, la grande supercherie. D'accord? Donc, notons Dieu voulant, on va laisser verser. Notons Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Je vais vous donner le verset le moment venu. Jean chapitre 5. Je vais vous donner le verset le moment venu. Vous y êtes. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Je vais seulement vous donner le titre, les chapitres des livres, puis je vais vous donner les versets quand il va revenir là-dessus. Actes chapitre 20. Vous avez noté Matthieu chapitre 23 et 24. Matthieu chapitre 23 et 24. Si c'est bon, vous me dites j'avance. Titre chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 7. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 6. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 6. Puis le verset 17. Dans le verset 17 du chapitre 4 de 1 Corinthiens aussi. Vous y êtes. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Verset 17 et 18. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éteignez les téléphones que ça ne les dérange pas. Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 16. Nous allons y revenir tout au long. Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 16. Ça, n'est-ce pas? Je vais voir si tous les versets sont là, positionnés. Je vous ai donné Jean chapitre 5. Marc chapitre 13. Oui. Trois Jean. Et deux Jean. Trois Jean et deux Jean. Deux Pierre, les chapitres 2 et 3. Jacques. Chapitre 3, le verset 1. J'ai dit 2 Pierre, chapitre 2 et 3. Jacques, chapitre 3, le verset 1. Voilà. Donc on va commencer maintenant. Je crois que c'est suffisant même pour prêcher pendant une semaine. Donc on va prêcher. Il va parler au fur et à mesure, il va citer ce qui se trouve dans ces passages-là qui se trouvent là. Il est question du 17, noté de 2 Thessaloniciens. Merci, Père. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 15. 2 Thessaloniciens. Il est question du discernement parce que notre vie en dépend. Dans ce qu'on a de voir. Le Seigneur nous a dit, et l'Esprit l'a dit expressement. Nous avons lu cela la dernière fois dans 1 Timothée au chapitre 4. Que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. C'est écrit clairement dans la Bible comme ça. Donc l'une des prophéties de la fin des temps, c'est l'abandon de la foi. Donc les gens vont quitter la voie de la vérité. Et il dit, on quitte la voie de la vérité pour s'attacher. On quitte Jésus, la voie de la vérité, pour s'attacher à des doctrines des démons. C'est, écoutez, dans les enseignements démoniaques. Mais c'est quand même terrible. C'est terrible. Donc, maintenant, écoutez très attentivement. Je vous ai donné les versets, les chapitres. Je vais commencer à vous donner les choses maintenant. Dans Matthieu, chapitre 23, vous allez voir tout au long, là, le Seigneur Jésus va commencer à fustiger les leaders religieux. Dans Matthieu, chapitre 23, donc, il est question de malheur à vos pharisiens, malheur à vos sadducéens, malheur à vos scribes, malheur à vos docteurs de la loi. C'est ce qui est écrit. Or, Jésus dit cela, il ne dit pas cela aux mondains. Il dit à ceux qui avaient la responsabilité, enfin, qui s'étaient érigés pour avoir la responsabilité d'enseigner la parole. Vous suivez? Il dit écoutez attentivement, il dit, malheur à vos docteurs de la loi. Docteurs de la loi. Les gens qui ont la loi, la Torah, qui sont censés lire, expliquer au peuple. Jésus dit, malheur à vous. Ça vous fait quoi là? C'est-à-dire que les gens qui enseignent, les gens qui sont censés enseigner les gens et le conduit dans la vérité, Jésus vient sur la terre, c'est eux qui s'en tirent. Il dit malheur à vous pharisiens, malheur à vous les scribes, scribes ceux qui écrivaient même la parole. Il dit malheur à vous. Pourquoi ces choses-là? Parce que en réalité, dans le développement de l'écriture, vous avez vu, ils ont mis les traditions à la chose de Dieu. Tradition, notez Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Vous y êtes? Dans ce livre de Marc, chapitre 17, le Seigneur Jésus-Christ dit que, il dit qu'ils honorent, ils m'honorent des lèvres, mais les commandements qu'ils ont, c'est les commandements d'hommes, les préceptes d'hommes. Ils ont plusieurs préceptes. Ils vont dire qu'ils vont aller, il faut laver les mains, ils disent qu'il faut faire ci, il faut faire ci. Jésus va leur dire que pourquoi vous aussi, vous transgressez vous aussi les commandements du Seigneur. Parce que les pharisiens étaient venus vers lui demander comme un Seigneur. Pour tes disciples, les disciples des gens mangent sans se laver les mains. Oui, je viens de dire suite, mais tes disciples mangent sans se laver les mains. Il dit que ce qui entre dans la bouche de l'homme, ce ne suit pas l'homme, c'est ce qui sort qui suit l'homme. Pour lui dire que c'est ce qu'eux font là qui suit. Plusieurs fois dans la Bible, il va fustiger les pharisiens. Il va leur donner même des paraboles en disant qu'un de ces jours, deux personnes sont montées au temple. Un était publicain et l'autre était un pharisien. Le pharisien a dit à son cœur, je ne suis pas comme ce publicain. Moi, je jeûne deux fois par semaine. Je paye ma dîme. Et la Bible éclate de l'autre côté, c'est Jésus qui parle. De son côté, le publicain n'osa même pas lever les mains au ciel. Il s'est tapé le poitrine et dit, oh Seigneur, sois présent envers moi. Jésus donne l'ascension. Je vous le dis en vérité. Le publicain rentrait des temples justifiés et l'autre fut condamné. Or, maintenant, quand il fait sa prière, le pharisien, quand il sort, on dit, oh, Rabbi, Rabbi, oh, grand maître, révérend, il passe sa route, il part pour les hommes, il est juste. Et la Bible déclare dans ce livre de Matthieu, chapitre 23, qu'ils font des prières, des longues prières pour être vus des hommes. Ils aiment les premières places dans les synagogues, ils ont les festins, les endroits VIP. Je l'appelle mon révérend, mon pasteur, quand je dis que mon frère, il se fâche. Jésus a dit ça. C'est pour ça qu'il a dit dans ce Matthieu chapitre 7, que nous avons lu verset 21 et 22, il dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, sorti d'ici, Dieu voulant, il faut qu'on regarde chaque fois quand on va toucher les versets, qui montrent les caractéristiques. Ça va montrer les caractéristiques. Vous notez seulement les caractéristiques. Donc, nous tracez un endroit, vous notez caractéristiques de ceux qui ne viennent pas de Dieu. Donc, quand on va rencontrer cela, vous notez tout simplement là-bas, d'accord? Quand vous allez noter là-bas, le jour où vous voyez, si c'est votre mari, votre soeur, votre frère qui respecte ces caractéristiques-là, si c'est lui, écoutez très attentivement, vous ferez mieux de prendre position. Amen. Hein? Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas déjà d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord comment? Jésus dit, ça c'est Dieu qui l'a envoyé, n'est-ce pas? Alors maintenant, Dieu lui dit, voici les caractéristiques, voici comment discerner le vrai du faux. Les gens qui travaillent en banque savent ce qu'on leur dit. Ils ont souvent un feutre là. Il dit, les gens qui travaillent dans les caisses là, ils ont les feutres ou bien un appareil où on passe les choses à l'intérieur. Quand tu lui donnes un billet, des billets d'argent, il passe à l'intérieur. Si c'est faux, il retire, il ne discute pas. Est-ce qu'il discute que quand c'est faux, on peut quand même faire que, on peut quand même faire que. Ou c'est faux, ou c'est vrai. Écoutez très attentivement. De la même façon que vous tenez deux billets, 10 euros et 10 euros ici, vous pouvez regarder les 10 semblent vrais. Et qu'on te dit que parmi les 10 et 10 euros, c'est un est vrai, un est faux. Et qu'à l'œil nu, tu ne vois pas là où le vrai, là où le faux. Il y a une machine qui doit les séparer. Il y a un élément qui va les séparer, départager. À partir de cet élément, c'est conçu pour dire que voici celui qui est vrai. Il dit, la machine est conçue pour dire que celui-ci est vrai. Si on passe le biais qui est faux dans la machine, que le biais qui est faux dans la machine, tu passes. Si la lumière la frappe dessus, c'est blanc, c'est le faux biais. Malgré que tes yeux voient qu'il y a 10 euros sur ça, les mêmes caractéristiques, mais la machine a dit le contraire. Voici notre machine de test de sélection. Ça a été donné, n'est-ce pas? Donc si la machine de test de sélection teste quelqu'un, la personne devient blanc. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, il faut l'éliminer. Il n'est pas question de sentiments. Maintenant, vous tenez le biais avec vous, vous mettez dans la machine, ça devient blanc. Parce que la machine dit que si on met le biais, ça devient blanc, c'est que c'est le faux biais. Alors vous prenez, vous mettez cela, vous l'enlevez, vous dites c'est blanc. Vous commencez à acheter que ouais, un 10 euros comme ça, on va faire comment ça. C'est faux, c'est pas faux. Il faut jeter. Dis à ton voisin, il faut jeter. Voilà. C'est sur ça qu'on va tourner ce soir. J'espère que je n'ai pas de problème avec vous ni avec quelqu'un de vous que vous connaissez ou quoi que ce soit. Je suis censé annoncer ce qui est écrit ici parce que je sais que je serai jugé selon ce qui est écrit. D'accord? Il m'a dit, prêche ma parole, sois fidèle en tout ce que je vais te dire comme étant la vérité. Et je vais le faire. D'accord? Et de toute façon, on n'a pas le choix que de dire. Parce que si on lit là-bas les caractéristiques, ce n'est pas moi qui ai pris ma plume écrite dans votre Bible. Voilà. On y va. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dans le livre des Jean au chapitre 5 que je vous ai donné là, il est question de la guérison dans la piscine de Bethesda. Ces versets particulièrement, nous allons commencer par là pour que vous voyez ce qu'il en est dans le cœur des hommes. Et c'est là où on va évoluer. Père, ajoute les bénédictions à la lecture de ta parole. Vous y êtes. Jean. Ou bien, alors, notez le chapitre 9. Allons plutôt au chapitre 9. Prenons le cas de la guérison de cet homme-là. Notez Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Vous y êtes. Allons à Jean chapitre 9 plutôt. C'est merveilleux. Jean chapitre 9. Notez les versets 1 à 24. Ou bien jusqu'au 30, même 32. C'est beaucoup là. Mais je vais lire rapidement. Je vais expliquer également ce que ce garçon-ci a. C'est un homme qui est né aveugle. La Bible déclare au verset 1. Si vous regardez le verset 1 du chapitre 9, il dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Donc il est sorti du ventre, il ne voyait pas. Vous y êtes. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous y êtes. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc le moment vient où la puissance des ténèbres va arriver là-bas où il n'y a pas la possibilité de faire l'œuvre de Dieu. C'est ce que je viens de lui dire. Donc Satan va régner sur la terre dans la toute puissance où Dieu ne pourra pas avoir de place. Et c'est ce qui vient d'arriver. Alors Jésus, ses disciples posent la question, cet enfant qui est né aveugle, il a péché, ou bien ce sont ses parents. Il dit que pour le cas-ci, il n'est ni fautif, ses parents ne sont pas fautifs. Dieu a décidé comme ça pour que je le guérisse, pour que son nom soit glorifié. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, cet enfant, ça va causer des situations, ça va causer des problèmes. On va commencer à poser des questions, les pharisiens vont poser des questions. Est-ce que c'est lui? On va le convoquer à la réunion. Allons à la réunion et voyons la discussion de la réunion. Allons à partir du verset 18. Vous avez répété le verset 18. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. Nous sommes de voir discerner la vérité afin de quitter l'apostasie, afin d'éviter l'apostasie. C'est la deuxième partie de la semaine dernière, n'est-ce pas? Verset 19. Et il les interrogeait disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents, écoutez très attentivement. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Verset 22, écoutez très attentivement le verset 22. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, point virgule, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Verset 23, enfin, c'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. C'est là où je vais m'arrêter pour commencer. Vous savez comment c'est terrible? La Bible déclare ici, voici quelqu'un qui a, imaginez, vous êtes des amateurs de femmes ici. Vous accouchez un enfant, l'enfant ne naît, l'enfant ne voit pas. Tout au long, vous savez effectivement quel handicap, quelle peine ça va faire sur votre cœur de voir que l'enfant est né comme ça. Et puis, l'enfant grandit. À un moment donné, il est là, à un grand âge. Vous avez souffert tout au long. Les moqueries qui peuvent se passer. La femme s'est accouchée d'un enfant qui, c'est sûr que son père était saucé. C'est sûr que la femme l'a mangé. C'est sûr que c'est son mari qui a vendu l'enfant. Et ainsi de suite, tous les autres choses qui peuvent être là-bas comme raillerie. Mais ne sachant pas que c'est Dieu qui était derrière cette situation. Ils vont dû prier dans le temple, prier, donner les offrandes ici, ici. Tant que le temps de Dieu n'est pas accompli, ça, rien ne marchera. Alors quelque chose se passe. Jésus vient ce jour-là, il guérit cet enfant comme c'était prévu. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 30, c'était prévu qu'il devait voir. Maintenant, il se tient là-bas. Les parents, la Bible déclare, comme on a lu dans ce verset 22, que les Juifs s'étaient déjà convenus que si quelqu'un tente de dire Jésus est le Christ, il va comprendre. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont connaître la vérité, laisser d'accepter la vérité, suivre les hommes. C'est ce que le verset nous dit. Oui, les parents, nous sommes dans quel livre ici? Allons dans le verset chapitre 16, voir rapidement. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Vous y êtes? Le verset 1 et le verset 2. Vous y êtes? La Bible, le Seigneur Jésus qui dit au verset 1 que je vous dis ces choses afin qu'elles ne soient pas une occasion de chute pour vous lorsqu'elles viendront à s'accomplir. Le verset 2 dit qu'ils vous excluront des synagogues et leur vient même ou quiconque vous fera mourir pour rendre un culte à Dieu. Vous avez vu ce qui est écrit là-bas? Donc, Jésus ne dit pas qu'il ne parle pas des mondains. Il dit que ça se passe dans son milieu. Donc, pour ce qui est des Juifs, il parle à Jérusalem, les synagogues étaient les lieux de rassemblement des prières, qu'ils lisaient la Bible. Et nous allons voir tout au long des Écritures, vous allez lire les Écritures, comment les pieds vont aller là-bas prêcher, on va les exclure, les chicoter. On va vous interdire de prêcher en ce nom-là ici. Pourtant, c'est le nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on a été sauvé. C'est justement ça que les gens qui servent Dieu veulent condamner. Donc, cet homme-là et sa femme se sont positionnés devant l'église, devant les sages réunis. Leur fils était là. Il dit que, est-ce que c'est vraiment votre fils? Il dit que oui. Notre fils est né aveugle. Mais pour ce qui est du fait qu'il soit guéri, nous ne savons pas interroger lui-même. C'est ça. Et la Bible déclare qu'il ne dit pas cela parce qu'eux ne savaient pas qu'il a guéri. Parce que c'est sûr que leur fils a dit exactement qu'il a guéri. Mais on dit qu'il faut que lui-même parle pour lui-même. Comme ça, si on l'exclut de la synagogue, nous ne serons pas exclus de la synagogue. Vous voyez ce qui peut arriver avec les êtres humains. Dis à ton voisin, prends position pour la vérité. Prends position pour le Seigneur Jésus. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 10. Dans Matthieu chapitre 10, il dit que dans une maison, il y aura 5 personnes, 3 contre 2, 2 contre 3. Mais il a dit que celui qui confessera mon nom devant les hommes, je le confesserai aussi devant les anges, devant le Père. Donc il y aura le moment où vous serez testé sur la terre par rapport à la parole de Dieu. Il y aura le moment où les gens vont vous voir pour que vous essayez de vous compromettre sur la vérité pour être avec eux. Tant que tu n'arrêtes pas tel enseignement, je ne suis pas avec toi. Tant que tu essaies de dire telle autre chose, je ne suis pas avec toi. Si tu arrêtes ceci, tu écartes ceci, il y a plusieurs personnes qui sont venues depuis des années, venir me voir. Que frère Junior, j'aime, tu prêches bien. Mais l'enseignement sur la femme, la femme ne doit pas poser pendant les bijoux là. Enlève ça, non. Il dit, c'est toi qui m'as envoyé prêcher. Si ça ne te plaît pas, avec ceux qui partent là, partez. Je ne vous ai pas appelé, venu à écouter. Même ce qui est bien, qui vous plaît aussi là, n'écoutez pas. Ceux à qui c'est destiné, ça va être destiné. Ils vont écouter. Donc, ils aimeraient que le frère Junior essaie de laisser que les femmes portent des pantalons avec les sexy, quand ils soient belles. J'ai dit, ok, quand ils mettent les crayons sur les yeux là, c'est là qu'ils sont belles. Quand ils mettent ça, ils effraient. C'est le masque. Puisque quand ils mettent comme ça, ils ne peuvent pas nous mettre comme ça pour dormir. Ils vont aller se laver. Vous dites, non, ils se mettent comme ça pour qu'ils soient belles. Les jours du mariage, les gens se mettent les figures, ils mettent la peinture sur la figure. En dormant, il faut qu'ils puissent nettoyer. Quand ils nettoient, leur vrai visage vient. Pourquoi ne pas nettoyer le visage et regarder le miroir de la parole telle que c'est donnée? Parce que quand on met comme ça, on ne sait pas si c'est le djunjou là-bas. Mais quand tu vois, c'est là où tu vois, effectivement, quand on a mis l'artificiel, vous entendez quelqu'un dire, waouh, tu es belle, ma soeur. On a dit d'apprécier l'artificiel, passe pas toi. Quand tu es naturel, on t'apprécie, c'est exactement ce que Dieu a. Vous voyez, donc on voudrait, donc on souhaiterait qu'on essaie de quitter la parole, de prêcher ce que les gens aiment. Et la Bible donc dit donc qu'ils vont se donner de foules docteurs qui vont prêcher selon leurs propres convoitises. Je ne suis pas là pour prêcher selon les convoitises humaines. Il faut prêcher la vérité. Quitte à ce que quelqu'un qui est de la vérité nous écoute. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, il a dit que celui qui est de Dieu, nous sommes des dieux, et celui qui est de Dieu nous écoute, n'est-ce pas? Si quelqu'un n'est pas de Dieu, il ne nous écoute pas. Donc on ne compromet pas. Et nous avons dit la dernière fois que ce verset-là montre clairement qu'il n'y a pas de compromis avec la vérité. Il n'y a pas de mixité, c'est la vérité qui doit séparer ou bien doit amener. Il dit que ceux qui sont du monde parlent d'après le monde, c'est pourquoi le monde les écoute. Je ne suis pas un monde, moi. Je suis serviteur du royaume, je dois parler selon le royaume. Si quelqu'un est du royaume, il dit, la Bible déclare dans 1 Jean 4 que celui qui est de Dieu nous écoute. Amen. Alors voici donc les gens qui sont positionnés dans, à la synagogue, on leur pose la question parce que les gens, ils sont réunis, ils disent que quelqu'un tente de dire que Jésus est le Christ. Allez, dehors. Alors je pose donc la question, voulons-nous suivre Dieu ou bien les hommes? Il faut que cette question soit répondue avant qu'on avance. Parce que si on veut suivre Dieu, on doit prendre position pour sa parole, pour ce qu'il a dit, pour la déclaration qu'il a donnée. Si on veut suivre les hommes, on peut entrer dans les réunions. On dit réunion des anciens de l'église synodale de ouest, sud, ouest. Vous allez. On dit que réunion des anciens de l'église ceci, le tabernacle pour la construction de ceci. Vous allez. Réunion pour aller construire telle chose. Donc, il faut qu'on construise un très grand centre de 300 000 places ici. Vous voyez comment les stades sont là. Il faut qu'on fasse la concurrence avec le stade mondain. Il faut qu'on construise. Vous allez. Mais Jésus dit que je bâtirai mon église. C'est ça. Donc, c'est ce qui se passe là-bas. Donc, avançons-nous doucement. Voulons-nous suivre le Seigneur ou bien on veut suivre les hommes? La question doit être répondue avant d'avancer dans ce domaine-ci. Parce que si on veut suivre le Seigneur, il a donné les règles pour le discernement afin de savoir le vrai du faux. Puisque aujourd'hui, on voit ça. Ouais, quelqu'un reste à la maison. Pang, pang, pang, c'est qui? Témoin de Jéhovah. T'as pas vient. Comme tu es gentil, tu le fais entrer. Il s'asseye. Jésus, le Fils, est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Et autre. Il donne des doctrines. On ne peut pas être sûr qu'on est sauvé aujourd'hui. À la fin du temps, le royaume sera sur la terre. S'il est juste, hériteront la terre. Est-ce que tu veux être fait partie de l'âge et de Noé moderne? Nous sommes les témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, l'esclave fidèle, c'est ce que Dieu a donné sur la terre aujourd'hui. Si quelqu'un n'est pas dans cette âge-là, il va, ou comme au temps de Noé, c'est qu'il va aller dans la dérive. Il finit de sortir la partie septième, je sors. Bang, bang, bang, tu ouvres la porte, il s'assoit. Il dit que tant que tu ne respectes pas le sabbat, le septième jour, tu travailles aujourd'hui. Dieu a dit qu'il donnait le jour de repos. Si tu ne respectes pas le septième jour, le sabbat, c'est que tu es fini. Parce que Dieu a dit qu'on se repose de tous ses œufs. Et voilà qu'il repose. Et tout à l'heure, si tu ne fais pas, tu vas être mis à mort. Quand il finit comme ça, il ne sort pas. Le pendentif vient. Il dit que ma soeur, tu parles là. Tu dis non. Il dit tu finis, tu sors. L'autre sort dans le musulman aussi vient. Il dit Allah, si vous avez, vous les chrétiens, vous avez deux dieux, vous avez les divinités, vous avez associé. Point d'associateur en dehors de Allah. Nulle créature n'est égale à lui, n'est semblable à lui. C'est moi-même le dernier prophète. Il finit, il sort. Kakou Philippe entre avec son groupe. Il dit que si tu n'es pas avec Kakou Philippe, c'est le prophète de notre génération. Si tu ne crois pas en lui, tu es péri. Parce que quand il part le soir, tu te couches au lit. Tu dis finalement, je vais où? Alléluia. Voilà là où on se retrouve maintenant. Alors, quand on a tout ça devant nous, j'ai seulement dit quatre exemples. Si je prends les Shintoïs, je mets là-bas, je prends les Raéliens, je mets là-dedans. Je prends maintenant les Malams, je mets là-dedans, je prends les Ave Maria. Chez l'église catholique, encore, c'est grave. Il y a des groupes maintenant qui sont des femmes qui sont des dieux. Je prends, je mets là-dedans, vous aurez des problèmes. Alors, donc, dans ces Méli-Mélo, j'ai dit la dernière fois que c'était normal que ça arrive, parce que Dieu l'a prophétisé. C'était normal. Dans ces Méli-Mélo, quelle est la position des dieux? Parce que vous allez voir ces personnes, vous dites que tout ce qu'on vous dit là, c'est faux. Il dit, mais la dernière fois, la personne a lu la Bible ici, il m'a montré. Puisque quand le Seigneur va vous dire effectivement que l'esclave fidèle, il va prendre Matthieu chapitre 24 et Matthieu chapitre 25, il dit, quel est l'esclave fidèle qui le Seigneur établit sur les gens de sa maison pour lui donner la nourriture. Il va prendre ça, il va dire que c'est ceux qui produisent les tours de garde en Pennsylvanie, c'est eux l'esclave fidèle. Donc vous devez suivre l'instruction qu'il donne. Est-ce que c'est écrit là-bas que c'était l'esclave de Pennsylvanie? C'est qui ont donné l'interprétation. Vous allez prendre témoin de Jéhovah, quoi, les Adventistes septième jour, ils vont dire que le septième, oui, les sept jours. Ils vont lire tout cela dans la Bible. Quelle est ta responsabilité? Ta responsabilité, c'est de quitter de tout ce que les gens ont dit, puis s'asseoir seul à seul avec la Bible, voir ce que Jésus, lui, il a dit. Dans Galates chapitre 5, donc, la Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne devenez plus esclaves des hommes. Ne mettez pas sous un autre joug étranger. La Bible dit cela. Donc si Christ nous a affranchis de la malédiction, du péché, de tout ce qu'on a de notre tradition, vous quittez la tradition. Les gens, par exemple, les noirs, quittent la tradition de leur père, s'attachent à la religion. C'est pour ça que vous allez voir maintenant qu'à des points, des moments, il y a ces sous-sauts de réveil des religions africaines. Ils commencent à dire que les religions des blancs ont perverti nos cultures. En fait, ils vont se confronter. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne confronte pas les cultures parce qu'il est unique. On ne le compare pas, mais les religions l'ont fait. Ils vont dire, par exemple, quand ils vont s'asseoir sur les antennes des panafricanistes, ils vont dire, par exemple, les blancs sont venus en présentant la Bible, mais derrière, ils volent leur culture, ils volent leur divinité, et autres, prendre les similitudes dans leur culture et mettre dans l'église catholique, croyant que l'église catholique, c'est la religion de Dieu. croyant que l'Église catholique, c'est la religion chrétienne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais la vérité est tout autre. La vérité, c'est que cette Bible-ci s'adresse à toutes les races sans exception. Cette Bible-ci, j'ai posé la question à un panafricaniste, ok, voici la Bible devant toi. Je veux que tu me montres l'avantage d'un blanc à ce que j'arrête de pécher. Si j'arrête de pécher, quel est l'avantage du blanc? Comme tu dis que ça, c'est le livre des blancs. Si j'arrête de pécher, de commettre la fornication, de mentir, en quoi est-ce que ça favorise un blanc quelque part? Où est-ce que c'est écrit ici que les Africains doivent arrêter de pécher? Où est-ce que c'est écrit ici? Où est-ce que c'est écrit que les blancs doivent pécher et les noirs ne doivent pas pécher? Où c'est écrit que la vie éternelle c'est pour les blancs et la mort éternelle c'est pour les noirs? Où est-ce que c'est écrit? Vous voyez que ce n'est que des pensées démoniaques pour fuir la réalité. On commence à dire donc que les blancs sont venus avec leur culture, que c'est la culture des blancs. Il dit montre-moi la culture des blancs dans la Bible. C'est n'est-ce pas? Pourtant, c'est la volonté de Dieu, la constitution de Dieu, pour montrer comment on va vivre dans le ciel, pour montrer comment faire venir à lui toute l'humanité, par les Africains, par les Juifs, par cela. Dans Romains chapitre 3, notez vraiment cela. Dans Romains chapitre 3, versets 9 et 10, puis le verset 23. Dans Romains chapitre 3, versets 9 et 10, la Bible déclare, nous avons déjà prouvé, c'est cela l'apôtre Paul qui dit, que tous, sans exception, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il dit que tous, Juifs et Grecs, il veut dire que, et les Juifs, qu'on dit de la nation de Dieu, et les autres nations, que tous sont sous l'emprise du péché. Là, il ne s'agit pas de l'évangile des Juifs ou bien de l'évangile des pécheurs. Il s'agit du message de Dieu à l'homme pour montrer que vous avez besoin d'un sauveur parce que vous tous vous êtes dans le péché. Et donc, le verset 23 du chapitre 3 des Romains, comme je l'ai dit là, dit que tous ont péché et sont privés de la gloire des dieux. Donc, tous nous sommes à égalité sur une chose. La couleur ne fait pas de toi que Dieu t'aime plus que l'autre. Jamais. La couleur. Il y a quoi d'Africain en toi? Si tu es noir, tu es né en France, tu es Africain ou bien tu es Français? Ou bien, quelle partie de ton corps est Africain? Est-ce que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les hommes? Donc, il faut qu'on comprenne une chose, que Dieu n'est pas le Dieu des Juifs, Dieu n'est pas le Dieu des Blancs, Dieu n'est pas le Dieu des Noirs, Dieu est le Dieu de ceux qui le cherchent. Point final. Donc, l'apôtre Paul dit dans ce verset 9, là-bas, que nous avons prouvé que soit Juif, soit Africain, soit n'importe qui, est sous l'emprise du péché. Il veut montrer par là que c'est ce péché-là qui cause problème entre nous et Dieu. Et par conséquent, le Sauveur est venu pour cela, pour arracher cela. Amen. Il n'est pas écrit que le Seigneur Jésus est venu ôter le péché des Juifs. Il a dit qu'il est venu ôter, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ou bien, à moins que le monde soit le monde occidental seulement. On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quand ces choses sont comprises, on va commencer à avancer doucement. Nous avançons sur un plan. Est-ce que Dieu a donné la façon de le connaître? 1. Est-ce que Dieu a dit qu'il y aura des faux prophètes? 2. Est-ce que Dieu a dit que les religions que nous voyons aujourd'hui seront multipliées? 3. Ok, dans ces mille-mille-là, qu'est-ce qu'il a dit que nous devons faire? C'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Il a dit qu'il faut qu'on discerne. Est-ce qu'il nous a donné le manuel ou bien la façon de le discerner au premier plan? Oui, il a donné. Il a donné des caractéristiques dans la Bible. Notez Philippiens chapitre 3. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, ne vous compromettez pas lorsque vous savez que quelque chose est vrai. N'essayez pas qu'on vous pervertisse les pensées. Prenez position pour la vérité. Quand vous allez prendre position pour la vérité, dans le monde, ça n'a pas de sens. Mais pour Dieu, ça a des valeurs et des prix. Vous saisissez cela, n'est-ce pas? Vous pouvez être... Il y a un papa qui était dans une des communautés des catholiques. Ils avaient fait des... Je sais, les catholiques ont des petites communautés dans les maisons. Le papa l'a fait 48 ans dans l'église catholique. Alors il dit... Ils font des dons pour donner aux orphelins et les veuves. Ils ont fait des dons, ça a tellement dépassé les normes. C'est-à-dire que l'expectation, peut-être qu'ils attendaient 10 millions, 24 millions sont venus. Ils ont dépensé les 10 millions. 24 millions qui sont restés, ils ont commencé à dire que, gars, coupon ici. Les membres du groupe ne savent pas, c'est eux sur la table. Le papa a pris position pour la vérité. Il est catholique. Il a pris position pour la vérité. Il dit que ce n'est pas bon. Soit on remet à des personnes qui sont concernées, ou bien on remet à la caisse principale, ou bien on distribue entre nous tous. Nous, ce n'est pas qu'on doit cacher ici. Pour nous disputer cela, on dit que, oh, papa, t'as tu te déranges. Toi, tu crois que tu es plus sain que qui? Alors, ils sont de le faire comme ça, l'œuvre caritative, mais ils sont de le faire la corruption. Prenons position pour la vérité. Prenons position pour la vérité. Il ne faut pas qu'on cherche ses intérêts. Il faut que dans n'importe quelle situation, que ce soit ton avantage, pour ta femme ou pour n'importe qui, tu prends position pour la vérité. Vous s'entendez, n'est-ce pas? C'est pour ça que le Seigneur dit dans le livre des Aïe, chapitre 57, il dit que la vérité trébuche sur la place publique. Il y a l'injustice. Personne ne se plaint avec droiture. Quand ils ouvrent la bouche, chacun a le voir tes vertus. Il dit, c'est pour cela qu'il va se lever avec son bras, il va juger. Donc, il faut qu'on dise que lorsque nous sommes en train de juger quelque chose, quand nous quittons là-bas, plus tard que Dieu nous juge, on voit qu'on aurait pris la bonne position. Et bien plus encore, si dans nous sommes en train de voir, il est question de la vie et de la mort ici. Parce que les enseignements, comme nous avons vu dans le livre de Jean, je vous ai donné ça à Jacques chapitre 3, le verset 1, il dit que mes frères bien-aimés, que plusieurs d'entre vous ne se mettent pas à prêcher, à enseigner, car vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. Donc le jugement est sur les gens qui enseignent la Bible. Ah, donc moi, tenant la Bible entre les mains, je sais exactement que le jugement sera grave sur nous. Donc si quelqu'un se met à enseigner ces choses sans être envoyé, il est fini. Donc, la Bible déclare donc au milieu des hommes déjà, les hommes déjà, que plusieurs ne se mettent pas à enseigner. Puis encore, on a ajouté les femmes aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que même le simple fait d'être homme d'abord n'est pas une condition suffisante pour commencer à enseigner. On dit parmi les hommes que plusieurs d'entre vous ne se mettent pas à enseigner. Parce que vous savez comment sera jugé plus sévèrement. C'est pour ça que l'apôtre Paul, connaissant ces choses-là, dit à Timothée, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Tu dois veiller sur toi. Il a dit, conduis-toi en pureté, sois un modèle en toutes choses. L'apôtre Paul dit à Timothée, le jeune évangéliste, d'être un modèle en toutes choses, en pureté, il dit qu'il soit en toutes choses qui doivent être un modèle. Aujourd'hui, les hommes, eux, ils ont pris un principe. Nous sommes des hommes, nous avons des faiblesses, comme cela n'était pas des hommes. Les premiers prédicateurs étaient des anges, c'est ça hein? Donc on dit que non, quand tu prêches comme ça, tu penses qu'on peut vivre ça sur la terre. Ceux, on a écrit ça pour les anges. Dis à ton voisin, c'est pour nous. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 1 à 3, la Bible déclare, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Je ne vous ai pas donné ça tout à l'heure, là, donc vous pouvez noter. Il dit dans 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 1 et suivant, il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Vous voyez que les anciens sont les dirigeants. Il dit, moi, ancien comme eux, témoin de la souffrance de Christ et de la gloire qui sera révélée, qui sera manifestée. Il dit, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non comme dominant sur eux, non pour un gain sordide, mais comme étant des modèles du troupeau. Donc, c'est l'apôtre Pierre qui a dit Christ là. Il dit aux anciens d'être des modèles du troupeau. C'est pour ça que les caractéristiques pour être des enseignants, les caractéristiques pour être des enseignants, c'est tellement difficile. Les caractéristiques bibliques pour être un vrai enseignant de la Bible sont tellement difficiles. Aujourd'hui, on a compris qu'il faut aller à l'école de théologie. Quand tu sais parler français, c'est que tu vas savoir lire la Bible. Savoir lire la Bible n'est pas savoir enseigner. Savoir expliquer les choses dans le monde n'est pas savoir enseigner la Bible, les Saintes Écritures. Pour que tu puisses enseigner ceci, il faut que Dieu applique ton cœur à sa compréhension. Pour que tu saches enseigner ceci, il faut que le Saint-Esprit applique ton cœur à sa compréhension. Il faut que le Saint-Esprit donne sa compréhension à lui. Sinon, quand tu vas lire quelque chose en français, tu vas utiliser avec le langage du français pour pouvoir expliquer les choses spirituelles alors que ça n'a rien à voir. Il peut vous prendre des tas de versets, je vous le montre maintenant. Que les conjonctions de coordination et les points, virgules, n'ont rien à voir avec la juxtaposition, vous voyez. Mais en français, ce n'est pas la même chose ici. Donc faisons attention comment on l'approche. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut pour nous. Pas ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Donc quand nous allons dans la Bible, il ne faut pas qu'on regarde, on vient là-bas avec notre compréhension. On dit que je souhaite que Dieu fasse comme ça. Non. C'est ce que Dieu a déjà dit. Et il l'a dit une fois pour toutes. Notez Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Le verset, commençons, notez le verset 6 ou verset 9. On va lire cela. Vous êtes là? Galates chapitre 1. Il vient de lire à partir du verset 6. Oui, lui-même, il est dans la question. Vous pensez qu'il va s'en sortir. Donc voilà, il est à côté de Genèse. C'est vous celle qui pouvez permettre que ça dure. Bon, lisons. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. C'est l'apôtre Paul qui a dit, il a dit Christ ici. Voici la première lettre que l'apôtre Paul a écrite. Quand il a commencé à prêcher, voici la première lettre qu'il a écrite. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Regardez. De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Alors il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile. Donc ça veut dire qu'il ne doit plus en avoir un autre évangile. Ceci a été dit de façon définitive. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Donc, l'évangile est déjà là. Il n'y a pas un autre évangile à prêcher. Mais il dit qu'en réalité, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a des gens qui vous troublent. Il dit, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc, le but de chaque enseignement qui sort et qui n'est pas de Dieu, c'est de renverser ce qui a été déjà. Par la suite, il donne une déclaration solennelle qui ne peut pas changer. Verset 8, il dit, mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Vous avez vu cela? Il dit que, même si c'est eux-mêmes qui viennent prêcher encore, quelque chose de différent par rapport à ce qu'eux, ils ont déjà donné, qu'il soit anathème. Et la semaine dernière, nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 à 3, puis le verset 11, il a dit que ce soit moi, que ce soit eux, c'est ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? L'apôtre réitère encore verset 9, il dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème veut dire extrême malédiction. Vous voyez ce que là on se trouve? Vous voyez que là où un être humain va se retrouver, de venir prendre la Bible, commencer à dire autre chose que par rapport à Dieu, autre que ce que la Bible a dit. L'apôtre Paul a donc prévenu que, un, il doit y avoir des gens qui vont sortir pour renverser l'évangile. On parle aujourd'hui de l'évangile de prospérité. Vous allez dans la Bible, vous ne trouvez pas cela. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de prendre les versets dans la Bible pour justifier cela. Ils vont dire, par exemple, il est écrit dans le livre de 3 Jean que je souhaite que tu prospères, comme prospère à tous égards, comme prospère le terre de ton âme. Tu dis, qu'est-ce que ça a à voir avec l'argent? L'âme mange l'argent. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'argent que l'on a? On dit que je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il ne se pose pas la question, comment l'âme prospère? Il commence à dire que non, parce qu'il y en a écrit prospérité. Quand on a écrit prospérité, alors Dieu parle de prospérité. On a aussi, il Allah s'est tué dans la Bible. Il faut qu'il enseigne qu'allez vous tuer. On a dit, Judas jeta les 30 pièces dans le temple, non? Puis Allah s'est tué. Il dit aussi, allons nous tuer. Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est pas parce qu'un mot est écrit dans la Bible que Dieu allait le développer que c'est ce qu'on doit faire. Le suicide est dans la Bible. Est-ce qu'on ne vous enseigne qu'on allait vous faire suicider? Non. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La question c'est comment l'âme prospère. Il faut que ça soit répondu. Si c'est répondu, alors tu vas comprendre pourquoi. C'est ce que j'ai envie de dire que prospère comme prospère l'état de ton âme. Deutéronome. Allons-y d'abord voir ce qui est écrit là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Voilà. Et c'est comme ça, les gens n'aiment pas parce qu'on dit que parle comme ça, mon grand frère est prêtre, mon grand frère est pasteur. J'ai mon ami qui est pasteur. Mais ça, c'est à chaque pasteur doit passer au fil de l'épée de la Bible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Deutéronome 23, on va lire verset 3 à 6, le verset 6 nous intéresse. Deutéronome 23, verset 3 à 6, regardez bien ce qui est écrit là-bas. C'est parce que j'en ai parlé de ces choses-ci que ça m'est revenu là. Deutéronome 23, verset 3 à 6. Regardez. L'ammonite et le moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. Vous voyez, je vous ai dit que si vous lisez seulement le français, vous savez lire, ça ne veut pas dire que vous êtes des enseignants de la Bible. Vous lisez ça, vous arrêtez là, vous avez dit que donc si quelqu'un est né de la tribu des ammonites, il ne sera jamais chez Dieu. Non. Or, pourtant, on a dit là-bas, jusqu'à combien? Dixième génération et à perpétuité. Or, à perpétuité, si, lorsqu'on suit dans le langage français, c'est comme si c'est définitivement. Ça n'a rien à voir avec ce que la pensée de Dieu a dit. Voilà autant de choses que je vous dis qu'il faut qu'on fasse attention. Maintenant, verset 4, parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi, à prix d'argent, Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie pour qu'il te maudisse. Verset 5, écoutez ça attentivement. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Vous y êtes. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Puis verset 6 dit, écoutez bien, verset 6 dit, tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être tant que tu vivras à perpétuité. Donc, celui qui est de Dieu n'a pas souci des prospérités mondaines, en regardant les prospérités que les mondains font. Alors, justement, ces prédicateurs qui disent que je souhaite que tu prospères comme, à tous égards comme prospère l'état de ton âme, prennent plutôt l'exemple sur le mondain, en disant que les mondains ont les bateaux, ils ont les grosses maisons. Vous vous attendez quoi? Nous allons régner. Et Dieu dit dans la Bible que justement, que ne regardez pas le mondain, n'ayez pas souci de leur prospérité. C'est ce que Dieu dit dans la Bible. Alors, il faut qu'on comprenne le langage Langage de Dieu. Donc, la doctrine de prospérité ou bien des biens matériels est l'une des principales caractéristiques de ces faux serviteurs. Allons-y. Philippiens chapitre 3. Vous avez ça aujourd'hui. Philippiens chapitre 3. Le livre des Philippiens. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc plusieurs autres personnes disent que pourquoi Dieu lui-même ne parle pas, pourquoi Dieu ne parle pas. Il a déjà parlé parce qu'il a déposé là-bas. C'est nous qui venons seulement accomplir ce qu'il a dit. Il avait dit longtemps avant qu'il y aura cette multiplicité des religions. Il y aura cette multiplicité des choses, des fausses doctrines, des sectes pernicieuses, et ainsi de suite. Nous sommes en plein là-dedans. Donc il a déjà parlé. Il a parlé comment s'en sortir en milieu de ces choses-là. Il en a déjà parlé par rapport à la solution. Vous êtes dans Philippiens. Philippiens, permettez-moi d'ouvrir la chapitre 3. Regardons, on va aller partir verset 16 là. Et permettez-moi de trouver Philippiens, chapitre 3, verset 16. Vous avez noté ça tout à l'heure, hein? Bon, maintenant regardons. Regardez, verset 16. Prenons partie verset 17. Regardez. J'espère que vous y êtes. Soyez tous mes imitateurs. C'est un défi pour les pasteurs de dire ça aux fidèles aujourd'hui. Il dit, c'est un défi de dire aux pasteurs de dire, soyez tous mes imitateurs. Le blanc est tellement devenu noir au point aussi quelqu'un se tient aujourd'hui que ce soit imitez-moi. On va dire que toi tu te prends même pour qui? Parce que quelqu'un qui est un être humain, celui-ci c'est pas un ange, hein? Il est né d'une femme. Il dit soyez tous mes imitateurs frères. Et puis il dit et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc il y a un modèle chrétien, une marche chrétienne, des gens sur qui tu peux fixer ton regard et dire celui-ci marche d'après l'évangile. Il faut que je commence à faire comme celui-ci. Vous saisissez ça, n'est-ce pas? Souvenez-vous, l'évangile n'est pas fait pour être prêché aux esprits. C'est pour les vivants. Parce que c'est nous qui avons été confrontés avec le péché. Et nous allons confronter avec la sanctification et la sainteté de Dieu. Donc c'est un défi. L'évangile, c'est le challenge pour marcher dans la voie de Dieu. L'évangile, c'est le challenge pour faire quitter les gens qui ne pouvaient pas marcher selon Dieu et en marchant selon Dieu. C'est ça l'évangile. Maintenant, regardez. Verset 18, il dit, car... Le mot « car » est mis pour justifier le pourquoi il en a dit ça au verset 1, au verset précédent. Il dit, soyez tous mes, verset 17, soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dû faire? Il sait que plusieurs prédicateurs sont dans le monde. Il a dit aux chrétiens directement que tournez votre regard vers ceux qui marchent d'après le modèle. Donc il y a un modèle qui a été fixé, il y a des modèles qui ont été fixés. Et les prédicateurs doivent marcher d'après ce modèle. Et par conséquent, ceux pour qui les prédicateurs sont envoyés, doivent suivre le modèle que les prédicateurs ont donné. Mais aujourd'hui, les prédicateurs d'aujourd'hui disent plutôt que faites ce que j'ai dit, ne faites pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas quel est le verset biblique près. La Bible a dit que les prédicateurs doivent être des modèles. J'ai cité aujourd'hui 1 Pierre chapitre 5. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin de la souffrance de Christ. Percez le troupeau de Dieu. Donc, occupez-vous du peuple de Dieu. Occupez-vous de Dieu, non comme dominant sur eux. Non comme pour un gain sordide, donc il ne faut pas aller vers les gens parce que tu as de l'argent. Il dit que, mais comme étant des modèles du troupeau. C'est ce qu'il dit. Donc le prédicateur doit être un modèle. C'est encore ce qu'il dit ici. Mais dans verset 18, donc, il dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Donc ça veut dire clairement, il y a des prédicateurs ici dehors qui sont là, ils sont ennemis de Christ. On ne dit pas qu'ils marchent en écrivant sur leur habit que je suis ennemi de Christ. Non. Et il va dire comment ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Regardez bien. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Donc voilà là où ils sont allés. Et s'ils sont allés à la perdition, ça veut dire que si tu crois à ce qu'il en a enseigné, tu en es allé à la perdition avec eux. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à Timothée. Il dit que garde-toi toi-même, veille sur toi-même, sur ton évangile, sur ton enseignement. Car en le faisant, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est ce qu'il a dit. Verset suivant dit. Il dit, ils mettent leur... Non, c'est bien sauté. Ils ont pour Dieu leur ventre, souligné. Donc, les premières caractéristiques, il veut dire que ceux qui vont prêcher, c'est ce qui va tourner autour pour les faire manger. Donc, les prédicateurs du ventre. Prédicateurs du ventre. Quand vous entendez les prédicateurs, c'est même là-bas, il dit que vous pensez que je mange quoi? Je passe, je dors, je jeûne comme ça là pour vous, pensez que je dors quoi? Voici, le ventre, signe. C'est un esprit là qui est celui à lui parler, pour lui dévoiler. Il dit que... J'espère qu'on n'est pas fâché. Comment vous me regardez subitement comme ça? C'est ce que la Bible dit ici. Il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Pourquoi? Parce que si tu sais le vrai Dieu, tu vas être concentré sur Dieu. Donc, la concentration de leur énergie, c'est au niveau des ventres. Et par conséquent, c'est là où ça attire son attention. C'est là où son cœur est attaché, c'est son Dieu là-bas. Il dit, Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Souligné. Dans les caractéristiques, selon nous, le but de ceci, c'est pour que vous, quand vous écoutez quelqu'un, vous sachiez d'où, vous savez d'où il vient. Et où il en est voulu vous amener. Alléluia. Souvenez-vous ici, la Bible n'a jamais dit ici qu'ils vont venir enseigner que Satan est Seigneur. On a vu ça dans la première partie. La Bible a dit dans Matthieu chapitre 7 qu'ils viendront sous mon nom. Ils vont dire, n'avons-nous pas prêché par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Or, ceux de Jésus vont faire le nom dans son nom, en son nom. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 28? Il a dit à ses disciples, à lui, il a dit, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Ce que je vous ai prescrit. Dans la dernière fois, nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3, que si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles du Seigneur Jésus, il est orgueilleux. N'est-ce pas? Donc, ce que Jésus a dit, c'est ce que les disciples ont enseigné. Et c'est ce qui doit demeurer. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit tout à l'heure dans le livre des Galates chapitre 1, verset 6, il dit que je vous écris ces choses parce qu'il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent renverser l'évangile. Pas qu'il n'y ait pas un autre évangile. Ils vont dire des choses que ça va être, sembler vrai, mais c'est parce que la Bible en a enseigné. Or, remarquez très bien, voici l'une des choses qui est la plus merveilleuse. C'est que les pasteurs, entre guillemets, les dirigeants, les conducteurs de la Bible ne se contredisaient pas. Aujourd'hui, c'est plusieurs contradictions. Prends deux écoles bibliques, 20 écoles bibliques, les 20 écoles bibliques ont des enseignements différents. Et tous disent détenir leur enseignement et leur révélation de leur école biblique du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit à cette école biblique si que le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. À celui-ci qu'on baptise trois fois, deux fois devant, une fois derrière. À l'autre, si on dit qu'il n'y a même plus besoin de baptême. À l'autre, on dit qu'il faut te baptiser dans le feu, jusqu'à ce qu'on allume le feu, les gens traversent dedans. À un autre, encore, on dit que si tu baptises au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, il faut te baptiser encore au nom de Jésus-Christ. À l'autre, si on dit que c'est baptême de restitution de Caco Philippe. Alors tous disent c'est le Dieu vivant qui a parlé. Quel genre de Dieu vivant se contredit aujourd'hui? Il faut admettre donc qu'il y a du faux, des livrets dedans. Parce que l'apôtre Paul enseignait sans avoir vu Pierre. L'apôtre Paul enseignait sans avoir vu Pierre. Ils enseignaient les mêmes enseignements. C'est vrai ça, mes chers? C'est ce qui est écrit. La Bible déclare en 1 Corinthiens 15, verset 11, il dit que ce soit eux, que ce soit moi, c'est ce que nous prêchons. C'est ce qui est écrit. Et dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset, chapitre 11, verset 16, il dit que si quelqu'un se plaît à contester, nous, il dit nous les apôtres, n'avons pas cette habitude, on ne conteste pas, non plus que les églises de Dieu. Donc les églises de Dieu ne contestaient pas les enseignements. C'est ça, hein? C'est ça, n'est-ce pas? Il dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Or, qu'est-ce que Colossiens, nous sommes dans Éphésiens, dans le livre des Philippiens. Mettez le doigt là parce qu'on va revenir au chapitre 2 tout à l'heure. Rentrez tout simplement, on voit le livre qui est derrière. Bien, avancez dans le livre des Devants, pardon, Devants, chapitre 3. Regardez le livre des Devants, ce qui est devant, c'est Colossiens, n'est-ce pas? Alors, chapitre 3, et voyons ce que ça dit. Regardez le verset 1. Il dit au verset 1, si donc vous êtes ressuscité. Donc, il faut d'abord que la condition soit réunie. Si donc vous êtes ressuscité, il dit quoi? Il dit, vous êtes avec Christ, qu'est-ce que vous devez faire? Cherchez les choses d'en haut. Là-bas, tout à l'heure, dans ce livre de Philippiens, on a dit que quoi? Les prédicateurs, là, ils pensent à quoi? Et puis il prend au jour de la terre. C'est pour ça que vous allez entendre mariage. Les prédications, il va dire que j'étais aux États-Unis, il va aller dans l'avion, je prophétise dans ta vie, tu auras quatre maisons. Je prophétise ici que tu auras les voitures, le voyage. Ton visa sort au nom de Jésus. Tu vois, les soeurs sautent comme ça, ce qu'elles peuvent arracher le plafond. Si on a des prêches, on a des prêches. On prêche la vérité un peu comme ça. Que mes soeurs, habillez-vous bien. Tu entends seulement dans la salle. Chacun te regarde comme ça que finit la prédication et pas. Mais quand tu dis que ton mariage maintenant sort des tombeaux, tu entends seulement chacun bafaya bafoua, ça va sortir. Les choses de la terre. Or, souvenez-vous de ceci. Dans le livre de Deutéronome que nous avons lu tout à l'heure, la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit que lorsque les Ammonites ont pris Balaam, fils de Béor, de Pétor, la Mésopotamie, pour qu'il vienne te maudire, j'ai refusé de sa malédiction sur vous, parce que vous êtes aimés de l'Éternel. Donc, si vous suivez Dieu, vous êtes dans le plan du Seigneur, sous Dieu, aucune malédiction ne peut traverser sur vous. Aucune. Puisque la Bible déclare quand ce prophète-là est venu dans Nombre chapitre 22, quand il ouvrait la bouche pour maudire chaque fois, c'était les bénédictions qui sortaient de sa bouche. C'est ça, n'est-ce pas? Et dans Proverbe chapitre 16, verset 16, la Bible déclare que lorsque le Seigneur approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses propres ennemis à leur servir. Donc les ennemis deviennent votre propre bien. Ce sont les ennemis deviennent les banques pour vous. Mais parce qu'on a pu aujourd'hui, qu'on prêche comme ça, on dit que donne une semence de la foi. Je veux ici, Dieu me dit que dans cette salle-ci, les gens peuvent donner 500 000 pour construire par la foi. Je veux 5 personnes, c'est 5 personnes, 4 femmes, 1 homme. Tu entends, on reste tranquille. Entre temps maintenant, on a le jeu le piano. Je dis, je reconnais que tu peux tout. Le piano te pénètre comme ça. Il dit, fais un pas de foi. Fais un pas de foi et vois ce que Dieu va faire. Tu entends dans ton cœur. Ça combat dans ton cœur. Il dit, oui, ton cœur, dans ton cœur, ça te dit là-bas. Tu sors comme ça, que tu lèves. Il dit, que va applaudir pour, on n'applaudit pas. Tu viens, Seigneur. Tu donnes ça. Vous sémez dans le sable, ça ne poussera pas. Parce que Dieu n'a jamais ordonné des choses dans la Bible. Il dit, ils ont pour Dieu leur vendre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. On a bouffé votre argent, ne pensez même pas que vous avez semé pour Dieu. Vous avez semé dans l'ignorance, vous allez récolter l'ignorance. C'est pour cela qu'il faut qu'on vienne maintenant dans la parole pour savoir de quoi il est question. Le Seigneur Jésus, dans sa Bible, dans le livre de Jacques, chapitre 2, le verset 27, la Bible dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et à s'abstenir des souillures du monde. Les orphelins, on va y revenir dans une autre prédication. Que fais-tu des orphelins, des pauvres, des étrangers et des veuves qui sont aux côtés de toi? C'est un évangile, c'est l'évangile. C'est depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Dieu dit qu'il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est ce qu'il a dit, c'est décrété. Alors aujourd'hui, on a comme impression que si il fait manger l'homme de Dieu, comme ils appellent aujourd'hui, je donne de l'argent, je paie son hôtel, il sait que je suis béni de Dieu. Vous rentrez, vous êtes frustré, vous ne comprenez pas que Dieu a vous fermer la porte. Faisons attention, d'accord? Je sais que vous ne serez plus jamais. Il est écrit dans ce livre d'Osée là que mon peuple, il a été dit que mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Deux fois, le Saint-Esprit a dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parce qu'on est entremêlé par les doctrines. On dit, vous voyez comment les pasteurs, quand ils ne veulent pas prêcher de l'argent, ils savent que s'ils parlent de l'argent, ça ne doit pas donner. Ils peuvent inviter les pasteurs du Nigeria. Ils savent. On appelle ça l'appel des fonds. Il y a les Nigériens, les gens de l'Afrique de l'Ouest. Ils veulent prêcher comme ça. Dans mon église, j'ai des gens que quand ils prêchent, quand ils sèment comme ça, ils sont bénis automatiquement. Quelqu'un dit que ma pas est venu aujourd'hui. Que arrachez pour vous, vous ne savez pas qui est devant vous. Il n'est plus que Jésus là maintenant. Alors quand il dit qu'un pas de fois, quand je serai parti, je vais partir. Ceux qui veulent me voir, voyez le secrétaire. Pour voir le secrétaire, il faut que vous inscrivez à 10 000. Vous voyez, il vient et te dit, tu es béni. Tu dis Amen. Mais la Bible a déjà dit que tu es déjà béni. C'est la Bible qui a déjà dit ça. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 3 que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénitions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Personne n'a eu besoin de prononcer ça. Dieu l'a prononcé sur nous depuis. Et aucun chrétien n'est maudit. Aucun. Il n'y a pas de possibilité de maudire un chrétien. Quand Jésus, dans notre Seigneur, sortait, quittait la terre, la dernière chose qu'il a fait aux chrétiens, il les a bénis. Luc chapitre 24. Regardez là. Et si Dieu l'a béni, qui peut maudire? Dis à ton voisin qu'il faut sortir de l'ignorance. Luc chapitre 24. Si vous voulez, vous ne m'aimez pas, moi je vous aime moi. Mais je vais vous dire ce qu'il y a là-bas. Luc chapitre 24. Regardez le chapitre 24, les trois derniers versets. Regardez. Vous y êtes. Regardez. Vous êtes dans Luc chapitre 24. Je vais lire verset 50 jusqu'au verset 53. Écoutez. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Vous avez vu la dernière chose à le dire après que le Seigneur Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? En quittant la terre, il a fait quoi? Mais qu'est-ce qu'un homme peut venir faire maintenant pour te dire qu'il va te bloquer? Vous voyez, il faut seulement être de la position du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous êtes derrière, vous êtes dans la position que le Seigneur Jésus vous a positionné. Toute personne qui lutte contre vous, lutte contre le Seigneur. Regardez, observez la conversion de l'apôtre Paul. Quand il luttait contre les chrétiens, Jésus n'a pas dit que pourquoi tu tues les chrétiens sur la terre, non. Il a dit que Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit que pourquoi me persécutes-tu? Donc quand tu as la position des chrétiens, tu as cette position-là, tu te places dans cette position, toute personne qui vient contre toi, il va trouver Jésus sur son chemin. Donc vous pensez, parce qu'on vous a tellement traumatisé que tant que tu ne sèmes pas, alors c'est grave encore. Vous êtes frappé par la malédiction, le pays tout entier, vous êtes maudit. Pourquoi le Ndjerin et le Jérévec? Matthieu chapitre, Marc, comment il s'appelle encore? Malachi chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison des trésors toutes les dîmes. Tu dis que, oh, il dit, c'est pour ça que vous êtes frappé par malédiction. Tu dis malédiction, c'est pour ça que je suis maudit. Tu cours, tu ne peux pas donner. Que Dieu vous donne de comprendre tout simplement. Amen. Il dit qu'apportez à la maison des trésors. Posez la question à votre pasteur. La maison des trésors se trouve. Voilà. Posez-lui, s'il répond à cette question, apportez là-bas. Donc, il faut que vous vous réveillez. Parce que la Bible déclare qu'il ne pense qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, ils vont prêcher tout n'importe quoi. Ils vont prêcher n'importe quoi, ça va tourner autour de leur ventre. La prédication va tourner autour de leur ventre. C'est leur caractéristique là-bas. Deux pierres. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Deux pierres. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, écoutez bien attentivement. Vous savez pourquoi certains pasteurs, quand leur ministère, comme ils disent, et je vois un autre signe. Quand on voit les gens qui vont en grand nombre, les gens ont comme l'impression que c'est Dieu qui est en train de faire. Pourtant, nous avons vu ici qu'il y avait deux voies. Il y a la voie qui met la pénétration et beaucoup y vont. Si le signe de la multiplicité des gens qui viennent est le signe que c'est Dieu qui est là-bas, c'est que l'Église catholique vient de Dieu. Si le signe que cela vient de Dieu est que, comme beaucoup de personnes vont là-bas, c'est que la religion de l'islam vient de Dieu. Donc le signe que beaucoup de personnes viennent dans leur ministère, on construit encore davantage. L'Église catholique a une image pour aller prêcher. Vous avez vu que les prêtres sortent pour aller prêcher. Ils viennent seulement dans un village. Ils prennent tout le terrain comme ça, ils construisent là-bas, bon, ils le sont à 5 heures. C'est vous qui sortez chez vous. Vous venez là-bas pour prendre la prostitution. C'est vous qui sortez chez vous pour venir adorer la reine du ciel. Ils ne vous invitent pas. La reine du ciel se charge de vous faire venir. Ils vous coptent depuis l'enfance. Ils coptent vos chefs d'État. Ils coptent les chefs de quartier, les chefs de village, tout. Ils construisent, ils s'asseyent là-bas comme ça. Les gens viennent faire l'initiation là-bas. C'est vous qui vous tuez en disant qu'il faut qu'on casse maintenant. Donnez votre terrain, on construit. Ils ne font pas cela. Il vient, il s'impose, il se met en blanc. Il parle au chef d'État, il prend le passeur de terrain. Là. Donc, mais ça ne vient pas de Dieu de toutes les façons. Donc, le signe du nombre de personnes dans le ministère ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Alors, le Seigneur Jésus qui faisait à Jérusalem, un de ces jours, sur les saints de Luc, il a commencé à prêcher. Quand il a prêché, la Bible déclare que quelqu'un dit du milieu de la foule, en entendant les paroles de Jésus, il dit que Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, mais sa réponse en dit la réponse. Il dit, efforcez-vous d'entrer, car plusieurs chercheront à y entrer, ils ne pourront pas. Donc il y aura des gens sur la terre qui chercheront même à dire comment je vais faire pour te sauver, c'est pas possible. Parce qu'il avait prêché, c'était Dieu, les gens ont dit que mais, en t'entendant parler comme ça se pense que c'est un petit groupe qui va entrer. Il dit qu'il y a un petit homme qui doit entrer, il dit que efforcez-vous d'entrer. Donc il dit que, et les musulmans, non, ils vont faire comment? Et les catholiques vont faire comment? Toi, fais d'effort d'entrer d'abord. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Nous avons vu que, on était concentré sur les gens, concentre-toi sur toi, mais vérifie que tu es dedans. N'est-ce pas? Voilà. Vérifie que tu es dedans. Alors, dans ce livre, je dis qu'on prend quel livre là? Deux pieds, ok. Disons, chapitre 2 dans les deux pieds. Regardons si ce n'est pas ce que le Saint-Esprit dit pour notre foi encore là, regardez. Deux pieds, chapitre 2. Regardez. Il y a eu, je suis au verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. C'est au pluriel, n'est-ce pas? Et il y aura des mêmes parmi, soulignés parmi vous. Il vient souligner, entouré parmi vous, beaucoup que ça ne vous quitte jamais la pensée. Dieu, je vous dis toujours que le danger des chrétiens ne vient pas du monde. Le premier danger des chrétiens se trouve en plein milieu chrétien. C'est en plein milieu chrétien. Et je vous avais dit la dernière fois, ça racontait l'histoire du Nigeria, que j'ai dit, si quelqu'un sort du Nigeria, et dit que je vends la pièce à 200 naira, collabore avec lui. Mais s'il dit Jesus, méfie-toi de lui. Il dit ceux qui sortent de l'Afrique de l'Ouest et qui parlent de Jésus, veillez ouvrir, dormez avec les yeux ouverts, même si vous maintenez avec les doigts. Veillez sur eux, parce qu'il sait de quoi il est question. Il vous a dit, quand Dieu m'a appelé, il a dit sors de ton pays. Il est sorti, je suis allé là-bas, il a dit que je t'ai fait venir ici afin que tu voies les abominations qui se font en mon nom, afin que ce que je vais commencer dans ton pays, que tu veilles à ne pas commettre les mêmes abominations. Donc, quand il vient, tu entends appel de fond. Les Camerounais ne savent pas faire l'appel de fond, ils vont appeler ceux-là. Il vient avec des esprits de mammon. D'autres, il travaille avec les esprits, d'autres avec les bagues. Il parle comme ça. Tu donnes là. Quand tu donnes le franc avant de sortir, tu dis hey, qu'est-ce que j'ai fait? Même ton arrière est assis. Il peine, même ton arrière est assis. Il dit donne pas la foi. Il te raconte une histoire directement. Que je connais quelqu'un comme ça qui avait donné pas la foi. Pourquoi lui, il ne donne pas? Il est déjà riche comme il a dit. Pourquoi il prend encore? J'ai 3 voitures, 4 voitures. La Bible déclare que malheur celui qui a juste champ sur champ. Changez ça, vous mettez maison après maison. Mettez voiture après voiture. Il est celui qui dit que j'ai mon parking là-bas. J'ai 5 Rolls Royce. J'ai 4 Mercedes. Vous voyez ce qu'il a de faire? Alors, pourquoi ne pas vendre cela? Venez vous dire que qui parmi vous ici manque de quoi? Quelque chose. Il donne ça que la veuve s'y prend, le voisin prend. Il vient encore, il dépouille. Oh mon Dieu, il dépouille. Allons-y d'un titre. Allons-y d'un titre là. Titre. Mettez le doigt dans ça. Depuis, on va y revenir maintenant. Regardez. Titre. C'est après Timothée là. Hein. Vous y êtes. J'avais de 1 de titre. Verset 5 et suivant. Regardez. Je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que. Selon mes instructions, tu établis des anciens dans chaque ville. Si s'y trouve quelques hommes irréprochables, vous avez vu ça? Mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Les caractéristiques même des serviteurs de Dieu, c'est que leur enfant ne doit pas dire qu'on a entendu que son enfant a couché avec quelqu'un. On a dit accusé. Leur enfant ne doit même pas être accusé de débauche. Il doit être marié d'une femme. Aujourd'hui, on entend au milieu de l'église que tel pasteur a divorcé, il s'est remarié avec telle personne. Il continue à prêcher, ça ne dit rien à personne. Pourquoi? Parce que c'est un, il a le superintendant. Il est le général Ovasia. Mais il divorce. Il prend une autre femme. Il couche avec les femmes. On sait que telle personne, peut-être parce qu'il couche avec les femmes. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, je ne suis pas là pour juger de servité de tuer. Chacun a ses faiblesses. La Bible dit que là, sortez du milieu d'eux. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Regardez ici. Il dit ici, car il faut que. C'est pas moi qui écris, c'est le verset 7. Regardez le verset 7. Car il faut que l'évêque soit quoi? Vous avez vu ça? Il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, vous avez vu ça? Ni colère, ni adonné au vent, ni violent. Il y a des pasteurs que ça, tu tentes, ils enlèvent la carte, ils disent que j'enlève la carte de pasteur, parce qu'ils te tapent bien. Toi-même, tu es étonné que c'est le pasteur ici. Il dit, souviens-toi, j'ai fait le karaté. Ni porté à un gang déshonnête. Et ce n'est que les pasteurs qui font maintenant. Là. Ils sont dans les business graves. Ils dépouillent les fidèles, prennent l'argent, prennent l'argent, ils ne donnent pas. Après, tu parles, dis que tu parles contre un ouin de Dieu, tu connais ce qu'est un de Dieu, le ouin de maman. Mais qu'il soit hospitalier, c'est encore un autre défi ici pour les pasteurs. Qu'il soit hospitalier. Les pasteurs qui ne peuvent pas accueillir les gens chez eux. C'est notre thème là, on va réviser ça. Amis des gens de bien, modérés, justes, sains, tempérants, attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. On dit que si elle est attachée comme ça, on dit afin d'être capable d'exhorter. Donc si quelqu'un n'est pas dans ce côté-ci, tout ce qu'il fait, ce n'est pas l'exhortation. Il dit selon la saine doctrine et de réfuter les contrats, le contradicteur. C'est pour ça que si tu n'es pas assis comme ça, quelqu'un va se poser devant toi, tu ne pourras pas discuter. Puis il dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens, des rebelles et des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Vous avez vu ça? Vous avez vu ce qu'ils font là? Ils entrent dans les familles. Ils vous repèrent, ils repèrent ceux qui ont de l'argent. Ils repèrent, quand tu as de l'argent, ils disent que, oh, viens. Quand ils te voient, tu as la voiture, ils disent que non. Je te vois un même mis sur ta finance. Ta finance va sortir. Libère ses finances. Et ce qui va parler, tu ne peux pas savoir. Ah, que Dieu vous bénisse seulement. Rentrons dans notre 2 Pierre chapitre 2 avant qu'il nous dise des choses ici là. 2 Pierre chapitre 2. Courage. Il sait qu'on a bouffé votre argent ici, de vous regretter. Quand il parle comme ça là, les pensées là reviennent. Ah, pendant que je viens de parler, voici notre soeur ici. Quoi que cette soeur ici, elle m'a retrouvé un de ces jours. On l'a fait pour elle. Courage, ma soeur. On a fait aller prendre ses mamites, prendre les mamites, le lit, aller vendre pour aller donner au pasteur. Écrire ses péchés et tous ses problèmes sur le truc. On a dit qu'on va aller brûler ça au Mont Cameroun. Là, voilà, c'est devant nous. Je t'en ai parlé avant de dire cela, mais je me rends compte qu'elle est devant nous. Courage. Là, le mari rentre comme ça, il dit que mais, la maison est vide, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que non. Le prophète a dit que. D'autres disent que écrivez, prenez 2 enveloppes. Tout ce que vous écrivez, tout ce que vous ne voulez plus que ça s'accomplisse, que ça soit dans votre vie, toutes les malédictions, tous les blocages, écrivez dans une enveloppe. Dans notre enveloppe, mettez votre semence. Donnez ce qui vous fait mal. Que vous donnez ce qui vous fait mal. Donc tu donnes, ça te fait mal. Puis je cite un verset biblique que le prophète David a dit que je ne donnais pas à l'Éternel l'offrande qui ne me fait pas mal, qui ne me coûte pas cher. Vous lui demandez pourquoi David a donné. Pourquoi il s'est écrit comme ça, il ne peut pas vous expliquer. Il dit que quand tu viens maintenant, va aller ici, mettez ça dans un tas, et l'autre se mettez à l'offrande ici là, brûlons cela. Je le dis, comme ce feu s'en est de brûler, c'est ainsi que ton problème est de brûler. Et Dieu rentre, les problèmes te brûlent encore davantage. Écoutons très attentivement. Vivez dans la voie de la sainteté. Recherchez la sanctification. Vous aurez l'approbation de Dieu. Il va faire venir dans vos vies les choses qu'il a prévues. Parce que vous ne pouvez pas forcer la main de Dieu. Tu regardes quelqu'un comme ça, là, tu dis que telle personne a déjà évolué. Voici ma camarade avec qui on a fréquenté. On a grandi au quartier ensemble. Le voyage, il a 3 maisons. Vous êtes nés ensemble. Non. Vous êtes venus ensemble. Non. Vous avez les mêmes destinées. Non. Pourquoi commencer à limiter? Vous commencez à limiter. Ok, il y a des gens ici là, si on te donne, ok, voilà 10 millions, tu sors là. On te dit, voici 10 millions, tu tombes et venez à côté de 10 millions. Parce que tu n'es pas capable de supporter 10 millions. Mais tu vois quelqu'un qui a 1 million, tu commences à le désirer que voici maintenant telle personne. Tu sais comment il dort. Tu sais comment il a eu sa chose. Il y a une jeune fille qui à Yaoundé a rencontré notre fille. Elle a vu une jeune fille blanche sortir de la voiture comme ça là. Elle était admirée sur ce qu'elle a calé de Mouda. La jeune fille qui est sortie de la voiture, elle a dit que ne regarde pas comme ça. Si on te dit les conditions que ce que j'ai fait, tu ne peux pas faire. Il est revenu en lui-même. Donc la personne elle-même qu'on était en admirer, lui a dit que fais attention. Il ne convoite pas. Alléluia. D'autres chrétiens sortent comme ça, quand ils sortent de lui, le cul, quand ils sortent comme ça, les mondains passent à côté, pas juste parce que la voiture les verse l'eau. Il dit qu'on est venu accompagner les gens sur la terre. On n'est pas venu accompagner les gens sur la terre. Que c'est eux, non? On n'est pas venu accompagner les gens sur la terre. Chacun est seulement à sa place. Chacun est à sa place. même si le petit doigt, si vous appelez le riz couleur, même s'il voulait revenir, il voudrait devenir le grand doigt, il ne peut pas devenir parce que sa position a été déjà fixée. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18 dit que et Dieu a placé dans le corps chaque membre comme il a voulu. Il ne t'a pas demandé pour te créer femme. Il t'a demandé. Il a demandé pour te mettre dans ta famille. Il a demandé pour dire qui choisit quel est ton père. S'il dit, s'il rassemble les gens là-bas en haut, il dit qui va sortir chez George Bush, tout le monde va lever le doigt comme ça. Là. Qui va naître en Amérique, tout le monde va revenir comme ça. S'il dit maintenant que qui va naître à Babimbi, quelqu'un dit Babimbi, Babimbi. Que Babimbi, qui va aller naître là-bas. C'est pas ça. Alors maintenant, comme il sait que s'il demande qui va naître à Washington, tout le monde va naître à Washington. Il dit que ok, c'est, selon ma souveraineté, je te balance où je veux. Comme ça, tu sois à Babimbi, tu sois à Babimbi, tu ne veux pas savoir, tu ne veux pas, tu es né là-bas. Amen. Amen. Alors si on comprend donc que c'est Dieu qui t'a choisi là où tu vas naître. Choisis ton sexe, choisis ta couleur, choisis comment tu as guéri. Le jour où tu es né, les gens sont morts, tu n'es pas mort. Tu as voyagé, les gens ont fait l'accident. Vous voyagez souvent, vous entendez que par derrière, vous télévisez à faire l'accident. Pourquoi pour vous n'avez pas fait l'accident? D'autres ont fait l'accident, ils sont sortis de l'air, elle était seule. Pourquoi pour vous n'avez pas fait l'accident? Dieu a un plan. Et maintenant, vous commencez à imiter quelqu'un. Vous commencez à imiter quelqu'un. Et maintenant, le jour où Dieu te révèle que, regarde bien, j'ai bloqué que tu n'es pas l'argent. Si tu avais l'argent, ton voisin devait être jalousé, devait être tué. Tu dis, Seigneur, enlève tout le bien. Parce que tu as maintenant vu c'est à quoi ça va conduire. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut laisser qu'il soit l'alpha et l'oméga de notre vie. N'imitons pas. Souvenez-vous déjà, chapitre 4. Il dit que vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire votre passion, votre convoitise. Après, Dieu, si vous faites ça, vous êtes adultère. Adultère que vous êtes. On ne doit pas demander selon que nous ne voulons pas être. Oh, si c'est même ma tante n'avait pas fait ça, il devait être un grand type aujourd'hui. Tu es sûr? Tu es sûr qu'il devait être un grand type aujourd'hui? Grand type, ça veut dire quoi? Pourquoi c'est toi ce grand type? C'est quoi? Que c'est, ma, c'est, mon enfant m'a, c'est mon enfant m'a ruiné. L'autre a fait, c'est pas cela. Regardez bien les personnages de la Bible. Ils ne se plaignaient pas de leur sort. Ils comprenaient que derrière ce sort, Dieu était l'auteur et le conducteur de tout ce qui leur arrivait. Vous avez vu quelque part où Satan est venu dire à vos frères de Joseph que portez-le, vendez-le. Vous avez vu quelque part? Vous avez vu quelque part où Dieu a dit à ses frères-là que vendez-le pour qu'ils accomplissent mon plan? Non, vous ne verrez nulle part cela. Ils ont seulement fait, ils ont vendu en Égypte. À un moment donné, il est devenu le chef de l'Égypte. Ils sont venus, ils ont commencé à dire, hey, il va nous tuer maintenant. Le prophète dit, non. Ne vous faites pas, ne vous maîtrisez pas. Dieu m'a envoyé devant vous pour cette heure. Comment Dieu l'a envoyé? Dans les douleurs. Dieu l'a envoyé comment? Dans les douleurs, les accusations injustes, la prison, l'esclavage, le travail extrême, en proie au soleil, aux insultes. Toi, esclave, passe ici. Un esclave n'a pas le droit de dormir. Si il dort, le maître veut faire n'importe quoi, il t'envoie. Imaginez comment il a dû souffrir. Mais il dit que c'est Dieu qui m'a envoyé devant de toi. Donc il était content de la position, sachant que c'est Dieu, il est dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, donc, on est dans la révélation totale de Dieu en tant que chrétien. Une petite chose nous arrive. Je chasse Satan au nom de Jésus. Je bloque, même quand le doigt de Dieu est là, je coupe le doigt là. Au nom de Dieu, tu coupes le doigt de Dieu au nom de Jésus. Et Dieu est derrière pour nous conduire. Alors, un chrétien qui connaît la volonté de Dieu dit que tout soit fait selon la volonté de Dieu. Un point, un trait. Quelque chose t'arrive, tu dis que Seigneur, je te rends grâce. Même dans les difficultés, je te rends grâce. Vous venez dire aux gens que qui a souffert cette semaine, c'est moi, j'ai trop souffert, frère. Il croit peut-être que le procès va sortir pour dire qu'enlevant la souffrance. Tu dis, remercie le Seigneur pour cela. Lui-même, il te regarde encore comme ça. Que je remercie le Seigneur pour la souffrance que j'ai eue. Oui, c'est la Bible déclare que c'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que vous rendez grâce pour ce qui est bien ou pour ce qui est mauvais. Amen. Voilà, 2 Pierre. C'est donc le fait qu'on ne comprend pas ce qui a fait le temps, c'est que les prédicateurs sont sortis, envoyés par Satan, pour vous enseigner les choses que vous voulez entendre. Pour enseigner les choses qu'on aimerait entendre. C'est normal. Un être humain qui souffre aimerait qu'on lui dise que ta souffrance va s'achever. C'est pour ça que quand tu entends, il ferme les yeux. Par exemple, quelqu'un allait jouer le piano. We worship you. Seigneur, nous t'adorons. J'ai dit à quelqu'un, ta souffrance se termine. Aujourd'hui, tu entends la femme dire Amen. Les larmes coulent comme ça, quatre gouttes derrière directement. We worship you. Toi, femme qui est ici. Oh, Dieu voit ton cas. Il dit que c'est moi, j'arrache. Après, on te dit que si ton voisin n'arrache pas, arrache. Donc, ça veut dire que chez Dieu, il y a la compétition d'arrachement. Que Dieu nous pardonne vraiment, n'est-ce pas? Amen. Mm-hmm. 2 Pierre chapitre 2. Donc, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Vous avez vu cela? Mais tout à l'heure, je vous ai dit dans ce verset, c'est que entouré parmi vous. Donc, Dieu dit expressément que ça doit se retrouver en milieu chrétien. Alors, la question maintenant, c'est l'apôtre Paul, Pierre parle ceci étant physiquement là. Il dit que dans le passé, il y avait des faux prophètes. Dans le futur, il y aura un faux docteur. Nous sommes dans le futur dont il parlait. La question maintenant, c'est, vous devez discerner qui sont ces faux docteurs, parce que nous sommes en plein dans la lignée. Nous sommes en plein de la période où il disait qu'il y avait des faux docteurs. Donc, il faut qu'on regarde les faux docteurs. Puis, il va donner, une fois de plus, il va donner les caractéristiques de ces faux-là ici à l'intérieur. Il dit, qui introduiront des sectes pernicieuses. Il dit que ces faux docteurs, leur but sera d'introduire. Ils vont mettre en place une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'agir. Ils introduiront. Il dit, introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Donc ça dit qu'il y aura un choc à un moment donné. Écoutez encore une fois de plus la prophétie. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Vous avez vu cela? Donc malgré qu'ils vont dire ces choses-là maintenant, les gens vont les suivre. Dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Nous entendons plusieurs fois, pêle-mêle dans les médias, la presse, la radio, la télévision, comment on a dit que tel pasteur a fait comme ça, tel pasteur a fait comme ça. Bien que dans certains cas, il y a des accusations injustes. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a la vérité. Tel pasteur couché avec la fille, tel pasteur. Dernière en date, il y a une femme qui est sortie de Yaoundé. Venez me voir. Je suis allé la rencontrer. Il y a un anglophone, un grand anglophone à Yaoundé, un prophète qui a la télévision. Apparemment, elle a divorcé avec sa femme. Elle a couché avec une fille de 15 ans, là enceinte, parce qu'elle est métisse. C'est ce qu'elle a l'enfant. Je suis allé la rencontrer. Il dit, qu'est-ce que je vais faire pour ici? Il est prophète. Prophétisé. Il a la télévision en plein Yaoundé. Tout le monde le connaît. Grande campagne, mais vous le voyez. Avant, il prophétisait sa femme qui interprétait. Plusieurs fois. Subitement, les gens n'ont pas vu sa famille, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme a été prise en flagrant délit d'adultère avec un DJ, un gars de musique. Ils se sont séparés. Maintenant, il a commencé à coucher avec des femmes et femmes. Et il continue à prophétiser. Et les gens sont toujours là-bas. C'est dans mon pays que ça se passe. Il dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous entendez cela? Donc, vous entendez maintenant, les mondains disent que je connais un pasteur. Les mondains, les mondains sont quelque part. Tu es pasteur, tu cours, tu viens sortir avec une fille à côté. La fille vient raconter au mondain que je sors avec le pasteur. Là. Après le dimanche, tu portes un col blanc. Que c'est Jésus-Christ, est Seigneur. Tu parles. Il dit que la voix de la vérité sera calomniée. Maintenant, un de ceux qui ont fait prêcher à ces mondains dit que tu es pasteur. Je vous connais ce que vous faites. Tu es prêtre de Dieu. Je connais ce que vous. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause de Dieu. Verset 3, regardez, première caractéristique. Pas. Soulignez, voilà les caractéristiques. Par cupidité. La cupidité, l'amour de l'argent, les gains, le bien matériel. Ils vont toujours tourner autour. C'est la caractéristique première, c'est ceux-là. Ils vont parler de leur fraîcheur, de leur pointine, de leur veste qui a coûté 4 millions, de leur Mercedes et autres-là. C'est ça dont il est question. Quand tu entends ça dans la prédication, c'est ça. Écoutez ça attentivement. Il dit par cupidité, ils trafiqueront. Quand on dit trafiqueront, c'est le marchandage. Ils vont prendre le mobile dans le cœur, c'est le trafic. J'ai déjà vu des choses. J'ai parlé au pasteur comme ça, face à face. Le pasteur me dit, frère Junior, je sais que tout ce que Dieu c'est vrai, on va vivre comment? Il me regarde, dit, frère, si Dieu t'a appelé, il va te soutenir. Si Dieu ne t'a pas appelé, quitte la voie. Va faire autre chose. Et alors, il m'a montré un livre qu'on leur a enseigné à l'école de théologie. Le titre, c'était « How to raise funds ». Vous imaginez, le titre du livre même est d'abord diabolique. Donc, on leur enseigne oui, comment susciter le fonds dans l'église. Vous entendez? Alors, qu'est-ce qu'il faut susciter? Quand vous avez déjà 100 membres, il faut généralement organiser des séminaires. Il faut généralement organiser des séminaires, même sur une semaine. Vos conventions de Sissi, entre Sissi, sachant qu'on va faire comme ça, il y aura les effrontes. La gloire de Dieu se révèle sur toi. Lève-toi et sois éclairé. On fait la publicité, on fait la publicité. Tu es trop resté dans les ténèbres. Tu es trop resté dans les ténèbres. Mais maintenant, gloire de Dieu, ne rate pas ces conventions. Viens avec quelqu'un à côté de toi. Viens avec quelqu'un. C'est les stratégies qu'on leur a apprises. Viens ici, ne manque jamais cela. Séminaire pour le mariage. Tu as trop digéré dans le célibat. Ne rate pas ce séminaire. À force de faire la publicité, tu dis que non, Marco, allons à ce séminaire. Pour d'autres, on dit séminaire, donc payant deux, mais pour d'autres, on dit que l'entrée est gratuite. Mais c'est quand on avait dit, quand on dit que c'est gratuit là, tu vas sortir là-bas étant dépouillé. Tu vas sortir là-bas étant dépouillé. Ils vont chercher à tordre l'évangile n'importe comment pour avoir de l'argent. Souvenez-vous, on dit dans ce titre, le titre du livre, c'est « How to raise funds », comment susciter les fonds, lever les fonds, les lever de fonds. On explique donc comment on fait deux cultes par jour. Il y aura des gens qui vont vouloir faire les deux cultes. Comme ça, comme les places sont occupées, tu seras sûr que les gens qui vont faire deux cultes, les deuxièmes cultes vont quand même donner de l'argent. Donc le but, ce n'est pas les gens qui viennent là-bas, c'est de l'argent. Alors il faut faire deux cultes, faire des appels de fonds. Quand quelqu'un fait un témoignage, on dit qu'il faut que chacun se connecte à la grâce qui a donné ce témoignage. Qui a donné cet résultat, tu te connectes, tu dis que si tu sèmes à ce qui est à cette. Vous avez vu comment Dieu a fait pour cela, s'aimer, vous vous connectez à cela. Donc quand tu viens donner l'argent comme ça au pasteur, directement tu as attrapé la grâce de cette sœur-là. Les femmes, chacun suit. Tu vas te rendre compte que tu vas donner l'offrande de la musique, donner l'offrande des offrandes, donner l'offrande des prédications, donner l'offrande des prophéties, donner les dîmes, donner les ceci, tu vas sortir là-bas en devant encore pasteur. D'autres ont maintenant conçu une certaine façon maintenant en disant que non. Comme il y a des pièces de l'argent, les gens ont te donné 25. Quand tu entres, on te distribue les enveloppes. Distribue les enveloppes. Puis on écrit sur l'enveloppe là qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui donne en dollars, moissonnera en dollars. Si tu donnes un héros, tu moissonneras un héros. C'est l'église du Seigneur jusqu'à aujourd'hui comme ça. Ils n'ont pas de pièces jaunes. Vous vous moquez de Dieu. Et justement, quand on donne ça, on compte, il compte d'à côté. Quand on compte, on vient dire au pasteur à l'oreille que ça a donné 400. Il prend encore le micro, il dit personne ne sort ici aujourd'hui. Vous moquez de Dieu ou pas? Il se fâche à la place de Dieu. Pour dire que c'est lui le Dieu là-bas. Parce qu'il sait que ça n'a pas résolu le problème qu'il voulait résoudre. Amen. Il dit par cupidité. Verset la minute. Regardez dans la Bible là. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses. Vous avez vu cela? Souvenez-vous, il ne va pas devenir. Il dit que donnez-moi l'argent qui n'est pas construit. Il faut qu'ils prennent la Bible. Ils arrivent. Mais souvenez-vous. Vous allez lire le trafic, la Bible, c'est du début jusqu'à la fin. Toutes les prédications, ça tourne autour du royaume. C'est pour ça que tout à l'heure, on a lu Colossiens, chapitre 3, verset 1. Il dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez vos choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Et quand il reviendra, vous cherchez, vous serez aussi dans la gloire avec lui. Car votre vie est cachée avec vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc, les prédications qui tournent autour des repas terrestres, éloignez-vous-en. Vous pouvez savoir qui a initié cela. Parce que le but de Satan, c'est de nous mettre la pesanteur pour nous nous attacher aux choses de la terre. Or, les prédications qui viennent de Dieu vont vous détacher plutôt des choses de la terre. Remarquez, observez les actes des apôtres du chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit vient, premier réflexe, les gens commencent à vendre les maisons qu'ils possédaient pour s'en débarrasser. À la fin des temps, l'Esprit, la fin des temps, accapare plutôt. Il dit que vous êtes les rois de la terre. Ouais, donc, première église, l'église naissante, les gens vendent pour s'en débarrasser. Dernière église, les gens s'en accaparent. L'Esprit a prophétisé que l'esprit qui va donner le vertige à la fin des temps, c'était l'esprit de la richesse. C'est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 3, pour notre dernière église. On va y aller tout à l'heure. Donc ici, il dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous. Donc ça veut dire que la cible, c'est vous. Il dit au moyen des paroles trompeuses. Ça veut dire quoi concrètement? Comme il a la cupidité sur la terre, dans le cœur, il faut qu'il trouve les paroles qui vont te dire pour que tu satisfais à ses convoitises. Et par conséquent, il va dire des choses que tu vas croire que c'est avantageux pour toi. Comme on voit effectivement que Sem fait un pas de foi. D'autres font même en disant que, d'abord même, il a préparé son enveloppe, il sort comme ça, il met là-bas pour montrer qu'il a fait comme ça, pour vous inciter à faire. Le pasteur de l'église, lui, il a dit, il fait comme ça, il tape les pieds sur la tête. Quand il finit, il rentre dans la. Généralement, il y a les divisions dans l'église à cause de cela. Le partage, maintenant, il s'en sort pas. Quand il s'en sort pas, chacun prend sa part, il prend sa part. Il parle. Après, l'autre vient, il dit que, qui vous a amené ici, c'est moi, venez avec moi, on va créer sa part. C'est pour ça que dénomination après dénomination naît. Dénomination après dénomination naît. À cause de l'argent, par cupidité. Par cupidité, ils trafiqueront de vous. Donc la cible, c'est vous. Voilà pourquoi ils pensent, ils veulent vous faire comprendre, premièrement, que le fait qu'ils soient allés à l'école, c'est lui qui connaît plus que toi. Or, la même Bible que vous avez. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. La Bible déclare, eux dont, regardez bien, vous y êtes, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc, ces pasteurs-là, la condamnation est sur eux. Regardez bien. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les a réservés pour le jour du jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné, on a dit que si Dieu a fait ceci, si Dieu a fait ceci, si Dieu a fait ceci, est-ce que c'est eux qui vont laisser ce qu'on va y aller? S'il va y aller. Verset 7. Et s'il a délivré le juste de Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait. C'est grave seulement aujourd'hui ce qu'on entend. Regardez, de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Après, il dit verset 10, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté. Donc, les homosexuels, les lesbiens, les masturbateurs, les pornographes, ainsi de suite. Voilà ce qui est écrit là-bas. On avance. Regardez. Et qui méprise l'autorité. Audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurer les gloires. Vous voyez, dans les prédications, vous voyez qu'un pasteur met la main dans la poche. Satan ne peut rien me faire. Beauté Satan. Satan doit faire match. Vous voyez ce que l'on est. Vous devez respecter Satan. C'est une autorité. C'est Dieu qui a dit cela dans la Bible. Regardez. Verset 11, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elle de jugement injurieux devant le Seigneur. Vous avez vu cela? Mais eux, semblables à des brutes, eux c'est mis pour les prédicateurs dont on a parlé depuis, mais eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites. Alors, le but pour lequel ils sont venus, vous avez vu ça? Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Vous avez vu ça? Homme taré et souillé. C'est le Nouveau Testament, hein? Et ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Oh, ma soeur bien-aimée, Dieu te bénisse. Oh, Chakayado, tu es une bonne soeur. Dieu a dit que tu as écouté ta prière. Tu es une bonne soeur. Dieu a dit que tu es fidèle parce que tu donnes chaque fois. Mais ne donne plus, tu observes. Verset 14, regardez bien. Ils ont les yeux pleins d'adultère, souligné. C'est les caractéristiques là. C'est pas moi qui écris, c'est pas vrai. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils sont insatiables de péché. Vous y êtes? En fait, le Saint-Esprit va sanctionner ici. Ils ont, verset 14 du chapitre 2 de Pierre, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Regardez, écoutez. Ils amorcent les âmes mal affermées. Ils cherchent qui? Les gens qui sont faibles, qui ne connaissent pas la Bible. Les âmes mal affermées. Écoutez bien. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Souligné. Donc, ça veut dire qu'on les a entraînés dans les écoles. Vous savez, quand on te exerce, ça veut dire que quand tu fais un exercice sportif, quand tu fais quelque chose constamment. Donc, on l'a appris. Il a la fondation de la cupidité sur le cœur. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Il est habitué à cela. Regardez. Après, on dit, ce sont des enfants des malédiction. Donc, là, vous voyez, depuis qu'on a dit le lit là, vous n'avez jamais lu là-bas, on a dit que c'est un serviteur de Dieu qui s'est détourné. On a dit que ce sont les gens qui sont nés pour être pris et jetés. Je vous ai dit que le faux est faux depuis le départ. Il n'y a pas un moment où il y avait le vrai dedans avant que c'est devenu faux. Dès le départ, quelqu'un a pris la pensée. Dès qu'il a pris la pensée de couper la feuille en sa forme rectangulaire, c'était déjà faux. Parce qu'il n'a pas le droit de l'autorité pour pouvoir fabriquer le biais. Vous voyez cela, n'est-ce pas? La pensée même qu'il a eue déjà était déjà fausse. Alors maintenant, de prendre les ciseaux, couper derrière encore le papier, c'est encore davantage faux. Lorsque ça s'est manifesté, on ne doit pas dire que c'était le biais s'est devenu faux à quel moment. Dès le départ, c'est faux. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y aura parmi vous des faux docteurs. On n'a jamais dit des faux enseignants de Dieu. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il faut que vous saisissiez cela. D'accord? La Bible déclare que Satan lui-même se présente en ange de lumière. Ce n'est pas donc étonnant que ses ministres, Satan a ses ministres. Il y a les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Satan, n'appelez personne serviteur de Dieu sans avoir l'authenticité et l'exactitude d'après la parole. Non, le serviteur de Dieu, là, s'il fait comme ça, c'est son problème. Moi, je sais pas. Vous appelez serviteur de Dieu, il n'a pas appelé serviteur de Dieu. Quand l'apôtre Pierre dit que ce sont des faux docteurs, des enfants de malédiction, il parle de qui? Non, je connais un serviteur de Dieu qui s'est détourné. Il s'est détourné comment? Donc, le Saint-Esprit n'est pas avec lui. Et le Saint-Esprit qui le conduit, il ne vous laissera pas seul. Il s'est détourné. Souvenez-vous de ceci. Lorsque le papaye, il y a deux styles de papaye là-dedans, vous allez les voir. Il y a d'autres qui ont produit papaye. Il y a d'autres qui ont produit plutôt les feuilles là. On les appelle papaye mâle. Lorsqu'ils poussent, ce sont jeunes, tu ne peux pas savoir lequel produit le vrai. Jésus a dit que c'est à la moisson, au moment où ça produit, qu'on va voir lequel est vrai, lequel est. Quand vous voyez maintenant, le papaye commence, à un moment donné, les fleurs sortent, vous savez effectivement que ça, ce n'est pas le papaye. Parce que tant que vous attendez le vrai là-bas, ça ne sortira jamais. Et celui-ci qui a commencé à produire une semence de papaye va toujours produire des papayes. À un moment donné, le papaye, s'il ne viendrait pas comme celui-là. À un moment donné, l'autre papaye, s'il ne deviendrait plus jamais comme celui-là. Mais le problème, c'est que ce n'est pas devenu comme ça à un moment donné. Dès le départ, tous les deux étaient différents. C'est lorsque on a commencé à voir les vraies natures qu'on a vu que celui-ci était faux. C'est comme ça avec les serviteurs. D'accord? Maintenant, il dit, ce sont des enfants des malédictions. Verset 15, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bézor, qui aima le salaire de l'iniquité. Vous y êtes. Maintenant, allons-y, continuons. Mais qui fut repris pour sa transgression. Une voix en esmiette faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Maintenant, verset 17, ces gens-là, vous y êtes, sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Vous voyez là où vous suivez, là où ça va. L'obscurité des ténèbres. Voici les parties. Il y a le livre aussi. Et le livre de Jude. Quand je lis, j'ai comme l'impression que c'est l'Esprit de l'Ancien Testament qui l'a écrit. comme si on était sous la loi. Vous savez que c'est sous la loi qu'on disait que si quelqu'un on trouve la femme de quelqu'un, il a plus de lui. C'est ça l'islam. Mais ici, c'est plus grave encore. On dit l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Écoutez bien, verset 18. Avec des discours enflés des vanités. Soulignez cela. Des discours enflés des vanités. Et puis, même maintenant, encore dit quelque chose. L'homme à qui Dieu a donné la plus grande sagesse sur la terre depuis que la terre ait existé, c'est qui? Salomon. Cet homme-là, donc, Dieu lui a donné la sagesse pour qu'il puisse regarder ce qui est utile pour les hommes sur la terre. Il a étudié tout. Après, il a conclu que sous le soleil, tout n'est que vanité. La Bible dit que ces gens, s'ils vont revenir, ce que Salomon avait dit aux gens de fuir, c'est ça qu'ils vont enseigner. Il est avec des discours enflés de vanité. Dans les discours, ils vont lui dire que vous serez le roi de la terre, vous allez régner ici, vous allez le royaume, vous aurez 10 maisons. Il aurait 10 maisons, ça va dépasser pour Salomon. Le royaume de Salomon, là, ça se trouve encore sur la terre. Or, Salomon a conçu cela dans toute sa splendeur. Jésus est venu dire que Salomon a été toute sa splendeur avec la gloire. Il n'a pas été habillé comme l'herbe des champs. Et Jésus sanctionne cela que toute la gloire de Salomon, dans son royaume, avec toute la puissance que vous entendez des richesses, Jésus vient dire que Salomon n'était pas habillé comme l'un des fleurs des champs là. Pour dire que jusque-là, la gloire que Salomon avait n'est pas encore sortie de la maison chez Dieu. Et la Bible déclare donc que le Saint-Esprit dit, les gens vont venir vers la fin des temps enseigner donc sur les mêmes vanités que les gens demeurent dans les vanités. Alors, on a d'ailleurs depuis l'Ancien Testament que vanité de vanité, tout n'est que vanité. Il y avait les discours enflés d'orgueil, de vanité. Ils amorcent par les convoitises de la chair. Ils testent comme ça, c'est que ton problème c'est le mariage, ton problème c'est le visa, ton problème c'est le mariage d'internet. Allez sur internet, par la foi, vous tapez le blanc de mon cœur.com. Vous allez venir, mon blanc, mon cœur, par la force, vous allez venir. Venez, on prie ici. Le passé, donc, on commence à célébrer le mariage maintenant, mariage mixte. Maintenant, il dit, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Vous avez vu cela? Donc, tu sois comme ça, tu dis que, oh, je vivais dans la fornication. Maintenant, je suis dans l'église, tu viens dans l'église. On t'anime encore ta chair là, comme ça, ça te prend encore plus que quand tu étais dans le monde. Qu'est-ce que la Bible te dit? Il dit que tu viens à peine d'échapper au monde, d'échapper aux hommes. Il va aller dedans, tu crois que tu t'es réfugié. C'est là-bas qu'il y a le danger encore davantage. Et le problème, c'est que tu entends chaque fois, on sent ça, on dit au nom de Jésus. Quand on dit au nom de Jésus, tu crois que c'est la vérité. D'autres encore graves ont fait des livres de prières maintenant. Ils ont les livres de prières. On dit que Christ est ici chaque jour. On récite. Tu te lèves à minuit. Tu dis que je combats maintenant mes ennemis. Je tue les autres de mes frères chaque fois qu'on s'en sort au nom de Jésus. Je tue les briseurs des rêves de ma famille. Je tue les fécondés, les défécondés de ma famille. J'envoie le bulldozer, l'acide du Saint-Esprit pour que ça détruit toutes les fondations de ce nuit. Je détruis tout carrément. C'est un livre de prière qu'on a dépensé pour acheter. Et la Bible nous dit que lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. La personne fait comme ça, il a quelqu'un sur le cœur. La Bible déclare qu'il croit qu'en force de multiplier les paroles, il sera entendu. Jésus dit ça dans la Bible, il parle de multiplier. Pourquoi? Parce qu'on a cherché la grâce avec Dieu. On prie une fois, ça ne donne pas. On prie pas, ça ne donne pas. On va chercher maintenant le médicament de raccourci. Les catholiques ont compris ça très tôt. Ils ont compris que Dieu répond lentement. Ils ont commencé à négocier avec la mère. Ils disent que quand la mère parle avec le fils dit ça directement, ça sort. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça à la noce de Cana? On dit que oui, on a vu. Alors, passez par la mère, dis donc. Le fils là, il lui dérange. Dis à ton voisin qu'il n'y a pas de négociation dans le royaume en haut là. Vous savez, c'est, n'est-ce pas? Il dit les catholiques, vous ne pouvez pas comprendre. Il dit que Seigneur fait ceci. Il pense que Sainte Marie, mère de qui? Toi-même, va prier pour nous parce que pour celui-là, il dérange. Amen. Alors, qu'est-ce que les autres ont fait? Les autres cherchent des voies, des moyens, ça ne va pas. Alors, c'est pour ça qu'on a eu au milieu de maintenant. Les catholiques, eux, ils n'y blaguent pas. Ils disent pour eux clairement. C'est toi qui viens de choisir en connaissance des causes. Il dit Marie est l'avocate. Donc, c'est elle qui peut défendre. Marie, c'est elle qui dénoue les nœuds. Tu peux acheter le canet, c'est écrit là, c'est ça. Là, Michael, celui qui combat mes ennemis. Donc, je ne vais pas passer vers Jésus, je passe vers eux. Mais les catholiques, les pentecôtistes, ils ont question. Ils disent non, on va acheter le vin rouge, le pasteur va pleurer, ça va devenir le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, on ne voit même pas ça souvent. Donc mieux, il faut que j'ai quelque chose que j'y vois. Il verse ça à la maison, ça sent partout le vin rouge. Il est sûr maintenant que le catholique fait pour lui avec le sel, il fait pour lui avec le vin rouge. Pourquoi? Parce qu'il dit que le vin rouge est proche du sang, c'est rouge comme le sang. Vous voyez comment on se trouve? Donc en réalité, le même esprit qui est chez le catholique se trouve chez lui. Or la Bible déclare, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent du Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Non, vous le cherchez, ça ne va pas. Il dit que non, mes oreilles ne sont pas dites pour entendre. Ni mes mains sont coupées pour entendre. Ce sont vos crimes. Voilà, maintenant tu te tournes, maintenant on dit, répands-toi du péché. Non, non, tu te déranges. Mais comment celui qui a dit que le péché fait que je ne viens pas vers toi? J'ai envoyé le prédicateur pour te parler du péché pour que tu te répandes. Quand on parle du péché, tu ne veux pas répondre. Comment cette même personne va t'exaucer? Alors, non, je les raccourcis. Il faut qu'il va vers le pasteur qui vont dire les choses qu'il vient entendre. Allez là-bas, vous allez avoir les solutions. Mais pas les solutions de Dieu. La Bible déclare ici, verset 18, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Maintenant, verset 19, écoutez, c'est amusant. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé d'eux. Quelqu'un est possédé par l'esprit. Souvenez-vous que la cupidité, c'est un esprit terrible. Il est possédé par l'esprit de la cupidité. Il veut être délivré. Il veut être délivré. Je te délivre au nom de Jésus. Lui, il est possédé. L'esprit de l'argent, c'est le plus grand des esprits qui dérange à ce siècle-ci. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, si vous lisez le verset 14 au verset 22, Dieu donne la reproche à l'église de Laodicée. Il dit, toi, tu dis que tu es riche. Tu n'as besoin de rien. Il dit, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Et tu ne sais pas. Donc l'église est dans la nudité spirituelle. Dans la nudité complète devant le Seigneur. Égarée par les biens matériels. Il dit qu'il ne sait pas. Mais il dit, aide donc du zèle et répands-toi, car je reprends et je châtie ceux qui aiment. Et voici, je me tiens à la pensée, quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Que celui qui a les oreilles entend, c'est que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Donc Dieu veut que nous prenions sa parole pour discernement. D'accord? Sa parole pour discernement. Tout à l'heure, je vous ai donné le Romains chapitre 16, n'est-ce pas? Les versets 17 et 18. C'est ça? Oui. Allons-y donc là-bas, voir ce que le Saint-Esprit nous y a réservé. Romains. Vous allez regretter. Vous savez, on a une autre sœur là, elle n'est pas ici. Elle a écouté un de ces jours, on parle du sacrifice du Seigneur Jésus. Que Christ est mort une fois pour toutes pour le péché, elle a ôté nos offenses. Quand vous ne lisez pas la Bible, c'est dangereux. Elle est allée dans les séminaires où vous êtes allé vous aussi. Donner des choses pour les sacrifices. Donner des choses pour les sacrifices. Elle dit un de ces jours. On m'a changé, je lui ai dit que frère, tu ne peux pas savoir ce que c'est la religion s'y a fait. Vous voyez comment quelqu'un est profondément touché. Elle parle comme ça avec des larmes aux yeux. Et quand j'entends ça, mon cœur est brisé. Elle dit que si vous allez quelque part, j'ai dépensé de l'argent pour le sacrifice. Parce qu'elle croyait peut-être que c'est le sacrifice. Un jour, elle a ouvert la Bible, elle est tombée dans l'hébreu. On dit que le sacrifice de Christ a été une fois pour toutes. Elle est tombée évanouie. Elle dit que quoi? Donc c'était une fois pour toutes. Elle a compris que le sacrifice est une fois pour toutes. Donc on ne doit plus offrir un autre sacrifice. Si quelqu'un te dit qu'offre n'importe le sacrifice que Dieu vous demande, c'est votre propre corps. Que ta vie soit un sacrifice pour Dieu. Donc ça veut dire que maintenant, Christ s'est donné, il a donné tout ce qu'il avait pour vous. Donne aussi tout ce que tu as pour lui, à son service. Romains chapitre 12, verset 1 dit que je vous exhorte à offrir, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. C'est lui qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ce qu'il écrit. Ton corps. Donc, les gens aiment donner l'argent. Ils donnent l'argent, ils veulent vivre dans le péché. Ils donnent l'argent, ils vivent dans le péché. Ils croient que le fait qu'ils donnent l'argent à Dieu, Dieu va fermer les yeux sur le péché. C'est pas là que ça commence. C'est pour cela qu'il a dit que bonne œuvre plus pureté et s'abstenir des souillures du monde, il est agréable. Tu fais la bonne œuvre, tu fais. Oh, c'est pas vrai, les visions, si ça te dérange là. Bon, quand tu fais les bonnes œuvres, tu dis que je m'avais donné la charité. Va donner à l'orphelin, à les autres, je vais pas donner aux veuves, aux orphelinats. Et puis tu te tiens là. Tu couches avec les femmes d'autrui. Tu cherches les femmes d'autrui. Tu as les femmes, tu mens. Tu penses que Dieu va agréer cela. Aux yeux des hommes, va t'affluer parce que tu as donné à manger pour tout le monde. De partir de toutes les façons, Dieu lui donne aussi à manger même aux sorciers. Vous savez ça, n'est-ce pas? Les francs-maçons, quand ils sont là-bas, ils invoquent Satan, non? D'autres pas faire des sacrifices dans la forêt de Dieu, non? N'est-ce pas? Eux-mêmes, quand ils ont les champs, quand ils sèment les choses, ça pousse. C'est eux qui vont pousser ça. Hein? C'est Dieu qui fait pousser. La Bible croit qu'il fait pleuvoir sur le bon. Et sur les injustes. Donc, cette sœur l'a dit, elle allait lire, elle a vu que le sacrifice était suffisant. Elle a regretté son argent, comme vous avez regretté votre argent maintenant là. Elle a regretté, elle est tombée évanouie. Maintenant, si elle avait lu cette parole là, que cette parole était entrée d'abord dans son cœur, elle serait protégée. Est-ce qu'elle serait là, pendant que quelqu'un l'a menti, que donne la semence par rapport à le sacrifice, le Saint-Esprit prendrait cette parole là, que souviens-toi que tu as lu, parce que le Saint-Esprit fait, souviens-toi que tu as lu que le sacrifice de Christ est total et définitif. Il n'y a plus de sacrifice. Donner un autre sacrifice veut dire que Christ n'était pas suffisant. Vous entendez cela? C'est pour ça que vous entendez comment les catholiques tournent le tour de la gens en disant que non, le sacrifice, il faut qu'on fasse le purgatoire pour que les péchés qui n'ont pas été pardonnés. Oh là, Christ est mort une fois pour toutes, pour tous les péchés. Il a annulé l'offense. dit que non, le quelque péché qui n'a pas eu assez pardonné, sinon tu enroules comme ça pour être pardonné. Vous amusez. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Donc lisez les Écritures pour vous protéger des loups ravisseurs. Lisez les Écritures, aimez-le dans la prière, aimez le Seigneur et vous serez protégés des loups ravisseurs. Vous serez protégés de l'apostasie. Dans la troisième partie, nous allons voir les esprits derrière les miracles. Dans la troisième partie, nous allons voir principalement les esprits derrière les miracles. Romains chapitre 16, je crois que nous ferons qu'on s'arrête à ce niveau-ci. Chapitre 16, verset 15. Regardez. Chapitre 16, verset 15, verset 17 et 18, ce qu'il dit aujourd'hui. Je vous exhorte, frères, à prendre garde, vous avez encore vu, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Vous avez vu cela? Vous avez reçu des enseignements de la Bible. Les gens viennent pour commencer à être troublés. L'apôtre Paul dit que éloignez-vous d'eux. Il va dire quelque chose dans verset 18. Il dit, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre quoi? Vous avez encore vu, n'est-ce pas? Vous avez vu? Et par des paroles douces et quoi? Ils séduisent les cœurs des simples. Le Seigneur, nous sommes dans Romains chapitre 16, j'ai lu le verset 17 et 18. Le Seigneur a commencé dans le livre de Matthieu chapitre 24. D'abord, la fois dernière, nous avons lu Matthieu chapitre 7 et ça nous a planté le décor. Dans Matthieu chapitre 24, verset 6, on va poser la question sur la venue du Seigneur Jésus-Christ, la fin du monde. La première chose qu'il va dire, c'est prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Car plusieurs viendront, verset 11, verset 22, verset 24, plusieurs viendront en mon nom et diront, mais voici, le temps est accompli. Plusieurs faux prophètes, ils seront de faux prophètes qui feront des miracles au point de séduire même les élus s'il était possible. Il a dit cela. Amen. Dans deux, je vous ai donné 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 1 et suivant disent, il dit ce qu'on demande à tous les serviteurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Il faut qu'on soit fidèle, qu'on nous regarde comme les dispensateurs des oracles, des différents oracles de Dieu. Au chapitre 1, chapitre 4, je vous ai directement donné ça, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 6, puis le verset 17. Il a dit au verset 1, verset 6 particulièrement, il dit que c'est pour cela qu'il a fait, lui et l'Apollos, l'application, ces choses-là, et il a appris que les gens ne partent pas au-delà de ce qui est écrit au verset 6. Et au verset 17, il a dit que c'est pour ça que j'ai envoyé Timothée pour qu'il vous enseigne quelles sont les voies dans le Seigneur, comment ils enseignent dans toutes les églises. Qu'est-ce qui est écrit? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on fasse attention. L'évangile a été donné une fois pour toutes. Et toutes les mises en garde ont été déjà données. Où nous allons sortir maintenant avec un dernier passage. Chapitre 20 des Actes des Apôtres. Je vous ai donné ça aujourd'hui. Chapitre 20. Notez les versets 17, verset 17. Je vais lire en partie le verset 17 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Donc prenez position pour la vérité. Ne soyez pas comme ces parents-là qui ont dit que s'ils disent qu'on va les exclure. Dites la vérité à quelqu'un. S'ils veillent, ils calent en l'air. Dites la vérité. Vous savez, un jour, il y avait un garçon, c'était un, vous savez, les Feyman. Ils sont à Douala là-bas, ils vendent de l'alcool, ils font des choses, ils font des choses. Il a entendu, quelqu'un lui a parlé de moi, il est venu avec cette personne, ils sont assis, on dit, il a dit, allons prendre un jus, quelquefois, tu me parles. Je lui parle, il met un jus devant moi, il met un jus devant lui, la personne qui m'a amené là. Il dit que, dis-moi, je parle de fraude, les gens qui vivent dans la fraude. Il dit que si tu vis dans la fraude, il ne sait pas qu'il vit dans la fraude, il commence à prêcher. Il dit que, il boit un peu, il dépose. Il dit que tout ce que je fais, c'est la fraude. Hein. Ma maison que je construis, la maison que je fais, tout c'est la fraude. Donc tu veux dire que Dieu n'aime pas ça? Il dit que oui. Mais il dit qu'il a les pasteurs. Justement, il avait les pasteurs. Il a les pasteurs. On est allé chez certains. Il ne sait pas qui était. Je me suis tenu là-bas. Il a donné l'argent. Il est en venant, il a acheté l'huile. Il a acheté. Et après, il a donné l'enveloppe. Le gars a pris. Priez celui-là, qu'à chaque aïe, mets la main sur lui, que tes business prospère. Que tes business prospère, c'est que quoi? C'est pour faire quoi? C'est que Dieu donne encore davantage de clients pour qu'il soit. Il les frappe. C'est ce qu'il avait prié. Il est sorti, il a dit que, il dit, tu as donné l'argent, il a accepté, il a dit oui. Je n'accepterai pas de salaire l'iniquité. Il n'accepterai pas cela. On s'est tenu là-bas. Il dit, ok, si tu crois au Jésus dont je prêche aujourd'hui, première chose que tu vas faire, ta maison là, tu n'y habiteras jamais. Tu vas vendre ça, distribuer aux gens à qui tu vas faire, demander pardon un à un. Il m'a regardé comme ça, il peut te verser le juste si souvent. Il dit, s'il n'y a pas de problème, tu peux verser, mais c'est de la vérité. Je lui parlais face à face. Après, quand il est passé, il ne veut plus jamais voir le gars là. Il ne veut plus jamais voir, mais je lui ai quand même dit la vérité. Il dit que si tu veux même mon jus, ton jus que tu as donné, tu prends, tu verses. Je ne suis pas un jus prêt. Il y a de l'eau de mon père. Il dit que je vais te dire la vérité. Tu es dans l'inégalité. Ta maison, chaque fois que tu dors, écoute maintenant, sache que tu es dans l'inégalité. Le sang des gens. Il lui est précisément un exemple. Une maman qui part à la CMPS pour prendre de la pension, elle est déjà malade. Elle rentre, tu utilises des voies de moyens, tu enlèves cet argent-là. Tu penses que ce qu'elle va prononcer sur toi, c'est la bénédiction, c'est la malédiction. Et tu penses que tu vas aller donner ça à un homme de Dieu parce qu'il y a un homme de Dieu qui va prier, il va bloquer la bénédiction sur toi. Il va bloquer la malédiction qui vient contre toi. Donc faisons attention. Il faut être juste dans ce que tu as de faire. Il a dit que tu. Il m'a abandonné là-bas, il est parti d'abord. Que tu restes là-bas, tu pars. Il dit c'est toi qui m'as appelé. Je t'ai dit la vérité. Dites la vérité aux gens. Même s'ils ne vous aiment pas pour le moment. Tôt ou tard, si Dieu leur donne de comprendre la vérité, ils vont vous remercier. Mais si vous essayez de cajoler quelqu'un, c'est un danger. Parce que vous protégez leur âme pour les envoyer en enfer. Dites-leur la vérité. J'ai subi, et j'en ai subi du fait que j'ai dit cette vérité-ci. Ça m'a permis l'éloignement de plusieurs personnes. Et depuis, plusieurs personnes sont en train de rentrer encore. Plusieurs personnes sont en train de rentrer. Au frère Junior, j'ai dit, parce que j'ai entendu, on t'a calomnié, j'ai été calomnié. Il n'y a pas de problème, mon frère. Mon maître m'a dit, si on a traité ainsi le bois vert, qu'en serait-il de bois sec? Je prends ma position de bois sec. Il a dit, quand vous aurez fait tout ce que vous avez recommandé, dites-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. Je suis un chiffon où Jésus prend pour essuyer n'importe quelle table. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 20. Dites la vérité, s'il vous plaît, aux membres de votre famille, dites la vérité. Si quelqu'un est dans la secte, dites que tu sais Satan. Satan vous trompe, il y a une autre puissance qui est au-dessus de lui. La puissance du Seigneur Jésus-Christ. Dites-lui. La personne va dire que tu crois que quoi. Il t'en, comme tu as parlé, il sort pour t'attaquer même spirituellement, il va rencontrer cette puissance-là. Dites la vérité. Mais avant de dire cela, marchez dans la vérité. Actes, chapitre 20. Ville à partir du verset 17. Regardez. Vous y avez moi, Actes chapitre 20. Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Je peux m'arrêter encore pour parler. Ça vous avez, voici un serviteur de Dieu. Que Dieu lui dit que va à Jérusalem, mais sache que les difficultés t'attendent là. Là-bas. Donc en allant, il sait exactement ce qu'il en est, mais il va y aller. Mais aujourd'hui, on dit que non, un enfant ne dit de pas souffrir. Tu ne peux pas souffrir. Jésus a tout payé à la croix. Il a tout payé, il a enlevé. Regarde, il dit c'est l'Esprit qui avait dit que les liens des tribulations t'attendent. Qu'est-ce que vous en dites de cela? Mais ces gens-là qui prêchent aujourd'hui disent que non. Si quelqu'un est pauvre, c'est la malédiction. La Bible déclare que le pauvre et le riche, c'est Dieu qui les a fait. Insulter le pauvre, j'en ai des doutes. Trager celui qui l'a fait. C'est ce que la Bible déclare. Ah, c'est pas vrai, non. Maintenant, verset 23. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avait dit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma cause avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il dit qu'il s'en fiche de ce qu'il attend là-bas. L'important, c'est de lui, c'est de dire ce qu'il est venu pour dire. Amen. Verset 25. Et maintenant, écoutez très attentivement. Et maintenant, voici. Écoutez très attentivement ce que le Saint-Esprit dit maintenant. Voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Il savait que c'est sa fin qui arrivait. Maintenant, continuez. Verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Imaginez maintenant que l'apôtre Paul partait comme ça, il avait caché des choses qu'il ne leur a pas dit. Et il passait là, Dieu lui dit que je t'avais dit de dire quelque chose. Pourquoi tu ne leur as pas dit? Donc mieux, il dit. Il sait qu'il part, il s'est dégagé de leur sang. Regardez. Verset 26, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Il est dit comme ça devant témoins, ils sont là devant lui, comme vous êtes là devant moi maintenant. Il dit verset 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Quand tu sais que c'est la vérité, j'en dis que dans toute vérité, il y a des versets bibliques, je ne sais pas d'où ça sort. Toute vérité n'est pas bon à dire. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Mais ça sort d'où alors? Toute vérité n'est pas bon à dire. Alors, c'est le mensonge qui sont bien à dire alors. Comment on ment les gens? La vérité affranchie ou ça n'affranchit pas. Voilà. Souvenez-vous de ceci. Tu peux être affranchi, mais tu peux être affranchi en ayant mal. La femme veut donner, quand elle veut donner la naissance à un bébé, ça fait mal. Elle souffre. Jusqu'à elle regarde son mari comme ça, son mari comprend ce qu'elle veut lui dire. Quand elle se tourne pour regarder son mari tourne le visage. Pour dire que c'est. Elle avait dit que c'est toi qui m'as fait ça. Mais quand l'enfant sort, les deux sont en joie. Quand le mari vient, elle cherche, chérie, n'est-ce pas? Elle a oublié la douleur. Donc, même la connaissance de la vérité peut amener les douleurs. Maintenant, la Bible déclare ici, verset 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Maintenant, verset 28, il parle uniquement avec les anciens. Les anciens sont les conducteurs, n'est-ce pas? Regarde ce qu'il va les dire. Prenez donc garde à vous-même. Vous avez encore vu? Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Il n'a pas dit que l'église que j'ai conçue ici, je suis le chef de votre église. Suivez-vous, ne dites pas quelque chose. Il dit que prenez garde, il les laisse, sachant que l'église, ce n'est pas l'église de Paul. Il sait que ce n'est pas l'église Paul qui est mort pour eux. Il dit prenez garde sur le poste sur lequel le Saint-Esprit, il a dit Paul, le Saint-Esprit. Donc il sait que quand il allait ce jour-là, il mettait comme ça que entre dans ton ministère au nom de Jésus-Christ. Il sait que ce n'est pas Paul, c'est le Saint-Esprit en lui qui faisait. Et par conséquent, cette personne-ci est responsable devant le Saint-Esprit. Vous entendez cela? Ah mon Dieu, je me l'ai dit cela à votre conducteur. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Le Saint-Esprit vous a établi, pas un homme. Le Saint-Esprit vous a établi. Le Saint-Esprit vous a établi. Donc je dis comment on établit les évêques? On guette comme ça, quelqu'un comme ça, on guette, on dit que non. Celui-ci est mon beau frère. Viens, tu es évêque. Mais la sœur-ci, elle a l'argent. Elle réunit beaucoup de gens. Tu es ancienne d'église. On nomme les gens comme ça par fantaisie. Celui-là travaille ou non. Il a souvent combien? J'ai déjà vu son carnet, il dit, mais c'est pour ça qu'ils ont installé le carnet, c'est pour suivre tous ceux qui ne donnent pas. Celui-ci touche 800 000 francs par mois. Donc 800 000, 80 000 dîmes. Donc s'il donne encore 20 000 francs d'offrande, ça fait 100 000 par mois. Il faut qu'on le tienne, parce que s'il part quelque part, voilà 100 000 francs qui sort comme ça. Tu es le directeur de notre paroisse. Alléluia. Que Dieu nous en préserve. La Bible déclare que le Saint-Esprit vous a établi avec, parce qu'il s'agit d'une œuvre spirituelle. Il s'agit de l'œuvre du Seigneur Jésus dans le ciel qui a dit, je bâtirai mon église. Les êtres humains font pour eux sur la terre, mais l'apôtre Paul montre que c'est le Saint-Esprit qui doit établir quelqu'un à sa charge. Et si c'est le Saint-Esprit qui t'a établi à la charge, tu dois lui rendre des comptes. Si c'est un homme qui t'établit, c'est normal qu'il te demande des comptes. C'est moi qui t'ai fait venir à l'église, si tu étais ici, il dit non. Il dit alors, je te dis que fais comme ça. Tu fais aussi. Les gens ne doivent pas travailler pour les hommes par rapport à l'église. Si vous voulez travailler le travail des hommes, allez, il faut qu'on fasse du travail séculier. Allez dans une entreprise, faire cela. Vous allez rendre compte comme il se doit. Mais ici, on rend compte au chef suprême de l'église, le Christ Jésus. Verset suivant, la Bible déclare, verset 28 encore, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour manger leur argent. Vous avez vu ça? Ah, mais peut-être quand il entend ça, perdre, ça veut dire que pour manger l'église. C'est ça qu'ils entendent. Puisque la Bible déclare qu'on les a, ils sont établis pour perdre. Et c'est dans Ézéchiel 34, la Bible déclare que les pasteurs ne devraient-ils pas perdre les brebis? Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes au lieu de perdre les brebis. Vous voyez, les pasteurs, chaque jour, leur ventre gonfle, les ventres de ses fidèles diminuent. Pourquoi? Parce qu'ils dépouillent, ils dépouillent pour mettre dans le vent, ils dépouillent pour donner. Puis encore, dans Matthieu chapitre 20, Jésus a dit que celui qui veut être grand parmi vous soit votre serviteur. Vous allez le voir, vous dites serviteur de Dieu, mais c'est vous qui les servez. Dieu, lui, il dit, vous allez servir Dieu en servant ceux sur qui je vais vous établir. Donc, c'est aux serviteurs de Dieu de vous servir, pas à vous, de les servir. Je ne sais pas quel monde nous trouvons, où les gens, c'est le upside down maintenant. Vous entendez, un grand serviteur de Dieu, ma soeur, viens, tes problèmes vont se terminer. Un grand serviteur vient dans cette vie-ci. Il est grand comment? Il a 3 jets privés. Hein? Quand il sort comme ça, là, il a la maison. Tu vas voir à l'aéroport, allons. Quand il vient dans son église au Nigeria, il a le parking comme ça. Tout le monde dans le parking à la voiture. Ma soeur, si tu veux, tu restes à la souffrance là-bas, tu pars. Quand la personne part comme ça, tu restes avec elle. Est-ce que je suis né à la souffrance? Même moi aussi, je vais partir. Il vient encore faire quoi? Pour dépouiller, malgré qu'il ait 3 jets privés. Des parkings, il vient encore, on lui donne les offrandes. Et il enseigne. D'autres écrivent livre après livre. Chaque semaine, il faut qu'on livre les livres. On vend ça, on est toujours dans son compte, malgré qu'il ait déjà l'argent. Pour dire quoi? Que l'homme est insatiable des richesses, de la cupidité. Les avions qu'il a, les trucs qu'il a, les livres, là, il ne fait que vendre. Vous qui avez, n'avez pas d'argent, il dit comme ça qu'en lisant ça, tu vas être riche. Mais indirectement, c'est lui qui vous en a enrichi. Que lisez ceci, ne manquez jamais aucune offrande, ne manquez jamais aucune série. Chaque mois, 2 semaines, il y a une série qui sont 1500. Le jour où tu vas connaître la vérité, tu vas me tuer 1500 par le nombre d'années que j'ai passé. Tu vas te crier, comment il veut pour découvrir mon argent. Tu vas te dire, calme-toi, c'est ta part de blessure. Amen. La Bible déclare, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'église du Seigneur. Vous avez vu? Pas l'église de Koumoui, pas l'église de Pasteur Christ, pas l'église de telle ou telle personne, pas l'église de Jules, pas l'église d'apôtre tel, l'église du Seigneur. Les évêques doivent perdre l'église du Seigneur. Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous savez cela? On parle de l'église, ce sont les êtres humains. Donc Christ a versé son propre sang pour les acquérir. Donc il faut qu'on les pèse, il faut qu'on les nourrisse, il faut qu'on s'occupe d'eux. C'est d'assurer qu'on ne parle pas de parler des 4 bâtiments. Que ici, il faut la peinture, il faut la batterie ici. la batterie, vous faites des bruits, vous chassez, vous avez commencé à dire qu'on vous persécute, alors que c'est vous qui allez persécuter les gens. Bon, avançons ici, avançons. Verset 29. Je sais, regardez bien, regardez. Je sais, c'est une certitude, pas vrai? Je sais qu'il s'introduira parmi vous, celui encore parmi vous. Vous vous souvenez, dans deux puits, on a lu ça aujourd'hui. Il s'introduira parmi vous. Vous y êtes? Des hommes qui. Non, c'est pas ça. Qui s'introduira parmi vous après mon départ. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Vous avez la prophétie, n'est-ce pas? Puis c'est pas fini. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Vous avez ça? Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entrer les disciples après eux. Vous avez vu ce qui est écrit? Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête ici. Jésus la référence.